Alors, vu la récente sortie d'Aladdin, donc le remake, alors je lui réglerai son compte aussi un de ces jours ici, mais pas maintenant parce que j'ai vu qu'une fois. Tant qu'il n'est pas disponible en vidéo, je pense qu'il faut avoir vu les films plus d'une fois avant de se prononcer. En revanche, évidemment, le film d'animation, j'ai vu beaucoup plus souvent et je me rends compte que j'en avais jamais parlé jusqu'à présent. C'est l'un de mes films d'animation préférés, mais quand on considère le conte dont c'est adapté, c'était pas forcément bien parti pour moi. Contrairement à La Petite Sirène et La Belle et la Bête, je les trouvais déjà très émouvants sous leur forme écrite. Alors le conte d'Aladin, ça ne m'avait jamais captivé plus que ça. Alors déjà à cause d'un titre qui rime avec des mots qui sont pas forcément agréables en français, comme eau de boudin, mais pas seulement. Alors, un personnage qui acquiert la possibilité à l'infini d'obtenir ce qu'il veut sans effort, donc y compris la princesse qui a été réduite à un personnage fonction. Bof, bah c'est vite ennuyeux, hein. Soyez pas surpris que ça ait changé dans l'adaptation du coup. Et un personnage qui n'est même pas forcément méritant dans le conte. Le héros, entre guillemets, était même décrit comme un fort mauvais garçon. Cendrillon, elle, au moins, elle était méritante, et puis la marraine fée ne passe qu'une fois. Après, c'est elle de se débrouiller. Mais le film, heureusement, comme vous le savez, aura magnifiquement transcendé tout ceci. Alors, je n'ai que rapidement parcouru le texte d'origine il y a quelques années. Il n'y a que des extraits, à ma grande surprise, disponibles sur Wikimedia Commons. Alors, mais je sais qu'entre autres détails étonnants, parce qu'ils sont rarement présents dans l'adaptation, on compte la présence d'un deuxième génie qui est moins puissant, celui de l'anneau. En gros, il ne sait que répondre aux questions. Et le fait que les personnages sont en fait des Chinois de l'ethnie Oïghour, qui sont des musulmans, et qui étaient perçus comme intégrés à l'empire perse pour cette raison. C'est pour ça qu'ils sont mal vus d'abord par le gouvernement communiste, puis par l'actuel aussi d'ailleurs. Ils vivent en Russie pour la plupart. Alors, il n'y a pas moins de quatre méchants dans l'histoire, ouf quand même, entre le mage africain qui envoie chercher la lampe au début, le grand vizir, qui est pas comploteur d'ailleurs mais qui est juste intéressé, son fils Bachir, qu'il aimerait voir épouser la princesse, et le jeune frère du mage, qui revient à la fin venger son aîné qui a été tué à la sortie de la caverne. Alors c'est pas étonnant que les deux frères ne fassent en général qu'un dans les adaptations pour simplifier les choses. Il est pas rare non plus que le fils du vizir passe à la trappe, mais on a encore souvent deux antagonistes. Plus étrange encore, la princesse a un prénom, Badroul Badour, qui signifie pleine lune des pleines lunes. Alors la signification est poétique, mais ce nom n'est jamais adapté. Donc si vous ne l'aviez jamais entendu, c'est normal. Alors ironiquement, c'est avec Sinbad le marin et Ali Baba le conte des mille et une nuits le plus connu, celui de la lampe magique. Mais il n'en faisait pas partie à l'origine, parce qu'après avoir traduit le recueil en 1701, le français Antoine Galland a ajouté par la suite sept nouveaux contes, qui lui étaient rapportés par un moine syrien. Alors après certains historiens, Galland, il aurait lui-même inventé ces trois célèbres contes, donc c'est difficile de dire s'il est l'auteur ou le traducteur du conte d'Aladin. Si vous voulez voir une adaptation très fidèle, alors la mini-série Les Mille et Nuits de Steve Barron l'est beaucoup. Mais je crois qu'elle est difficile à trouver aujourd'hui. Alors les acteurs sont chinois justement et le génie de l'anneau est présent. Mais néanmoins, la princesse a été rebaptisée Zubaïda parce que tout le monde a l'air de trouver Badroul Badour trop imprononçable. Quand j'étais enfant, je connaissais l'histoire par trois sources. C'est dans la série des mini-contes qui était, comme le nom l'indique, une série de livres adaptant les contes de fées traditionnels. Dans l'anthologie Un conte pour chaque soir, qui était un grand recueil, mais plus disponible à la vente ni les uns ni les autres d'ailleurs. Et enfin dans l'album de l'épisode de la série d'animation Clémentine, qui était consacré aux Mille et une Nuits. Oui, la série Clémentine, vous savez, avec la fillette paraplégique et poursuivie par Malmotte, qui atterrissait dans divers contes de fées. Donc j'avais l'album tiré de l'épisode, mais j'avais jamais vu donc justement l'épisode en question lui-même. Et c'est toujours le cas aujourd'hui d'ailleurs. Alors, entre autres, Clémentine et les mini-contes, ils étaient illustrés. Ils avaient rendu les personnages orientaux, donc comme tous les autres ou presque dans le recueil d'origine. Mais j'avais jamais vu passer l'adaptation à l'époque, alors y compris le dessin animé réalisé en 1982 par la Toei, dessin animé japonais, qui avait gardé le génie de l'anneau et raccourci le nom de la princesse en Badral. Ni le film de Jean Image sorti en 1969. Qui, je crois, soit il a gardé le nom original de la princesse, soit elle s'appelle juste la princesse, je suis pas sûre parce que je l'ai toujours pas vue aujourd'hui d'ailleurs. En fait, le film de Disney était alors la première adaptation que j'ai vue. Alors, d'où vient l'idée au fait? Alors, c'est le parolier Howard Ashman qui le premier l'aurait eu. Il était la moitié du duo avec Alan Menken, qui lui était le musicien, à la base des chansons de la trilogie des contes des années 90 de Disney, La Petite Sirène, La Belle et la Bête et Aladdin. Enfin, il a écrit la moitié des chansons d'Aladdin plus précisément. Ils étaient un de ces binômes qui fonctionnent à merveille et donnent leur plein potentiel ensemble. Tim Burton et Danny Elfman, Albert Uderzo et René Goscinny, ou encore John Musker et Ron Clements, qui sont les réalisateurs de La Petite Sirène, justement. Tout juste sorti avec Alan Menken du film La Petite Boutique des Horreurs, qui était adapté de leur comédie musicale éponyme, Howard Ashman travaillait sur La Petite Sirène, donc justement en 1988. L'idée d'adapter le conte d'Aladin lui vient cette année-là, même si on ne sait pas exactement comment elle lui est venue. Et on ne peut plus poser la question à Ashman, qui est décédé du sida en mars 1991. Ça explique d'ailleurs qu'il n'écrit que la moitié des chansons dans Aladdin. Alors, ses premières notes sur le sujet sont conservées aujourd'hui à l'équivalent de la Bibliothèque nationale américaine, qui est la bibliothèque du Congrès. Et comment dire? C'est déjà plus exactement le texte d'origine, même si c'est encore très loin de ce qu'on connaît. Ça a été rendu public sur le blog de la Bibliothèque du Congrès, même. Enfin, par des commentaires, même si on n'a pas accès au texte original. Alors, ça dit à peu près ça. Le deuxième génie de l'anneau et la mère d'Aladin étaient conservés. Ce dernier était beaucoup plus jeune et il agissait avant tout dans le but de rendre sa mère fière d'elle. Lui, ses acolytes étaient trois autres garçons et Howard Ashman les voyait même façon gang à la West Side Story. Bon là, le rapport avec le conte devient vraiment ténu. Le méchant était déjà unique, le vizir remplissait le rôle du sorcier africain. Il faut admettre que c'est plus simple à suivre. Alors, il a été baptisé Wazir par Ashman, le nom porté par le méchant de l'adaptation du conte par le studio de la UPA en 1959, qui était déjà un mélange des quatre antagonistes. Alors, le long métrage d'animation de 1959 du studio UPA s'appelait 101 Arab Nights, donc les mille et une nuits, était une adaptation du conte d'Aladin avec la star maison, qui était Mr. Magoo, dans le rôle du tuteur du héros. Et je suis sûr que Howard Ashman l'a vu parce que le nom Wazir le prouve. Et ce personnage, dans le film de la UPA, avait déjà une tête à rendre jaloux Is No Good. Seulement, Ashman s'était pas encombré de Badroul Badour, quelle surprise en parenthèse, il avait déjà appelé la princesse Jasmine. Sachant que c'était pas la première fois que ce personnage s'appelait comme ça, parce que c'était déjà son nom dans le film live Aladdin and His Lamp, en 1952, et que Ashman a dû voir aussi. Dans 101 Arabian Night, son nom est Yasminda, donc c'est proche. Et puis dans le film Le Voleur de Tanger, qui est sorti en 1951 avec Tony Curtis, il y avait une princesse appelée Yasmine, c'est également proche. Et là, quel rapport, parce que vous me direz Le Voleur de Tanger est une histoire originale, et c'est vrai. Eh ben, je peux pas garantir qu'Ashman avait vu ce film-là, mais Yasmine, donc, c'était pas une princesse très sympa. Il se trouve qu'au début, c'est exactement comme ça qu'Ashman voyait Jasmine. À savoir comme une enfant gâtée, insupportable, qui avait rien contre son statut royal, du tout, et qui se réjouissait à l'idée de son mariage qui lui apportait encore plus d'aisance matérielle. Donc parce que Ashman pensait qu'elle serait une source de comédie. Bon, et le génie ou Iago, ça suffisait pas. Il se trouve que ces personnages, à l'époque, étaient décrits comme beaucoup plus sérieux, mais je reviendrai là-dessus. Puis Jasmine aurait eu un développement de caractère. Si elle tombait amoureuse d'Aladin, elle commencerait à se soucier de quelqu'un d'autre qu'elle-même. Puis, en découvrant pour finir les humbles origines de ce dernier, ça achèverait de dégonfler les chevilles de la princesse. Alors cette dernière était de toute façon encore vue comme un détail secondaire. Alan Menken a raconté depuis, le génie de la lampe il était décrit comme horrible et intimidant dans le texte d'origine. Et là, apparemment, il était encore. Le génie de l'anneau était décrit dans le conte comme africain, avec un anneau à l'oreille, donc ça donnera à Ashman l'idée d'une chanson du style jazz de Harlem, Je suis ton meilleur ami, bien sûr. Prince Ali, qui a été écrit plus tard, est d'ailleurs aussi une chanson à la Cab Calloway. Enfin, Jasmine n'avait pas de tigre, mais une servante. L'idée sera à la fois reprise dans le remake live et à Broadway. Alors, John Mansker et Ron Clements verront soumettre les propositions d'Aladin et du Lac des Cygnes. Comme ils étaient juste sortis de l'histoire aquatique, on va dire, de la Petite Sirène, il ne désirait pas remettre le couvert immédiatement après avec un tel univers. Faudra attendre Vaiana pour ça. Alors, Lac des Signes sera repoussé et ne sera jamais une adaptation de Disney. Hélas, mais un film honteux de Columbia Pictures. C'est aussi un film Barbie, mais c'est déjà mieux. Alors, Alan Menken et Howard Ashman, qui ont été inspirés par ce premier jet, vont écrire tout un tas de chansons sur le sujet. Ils ont toujours été très prolifiques, et je crois même qu'ils ont écrit toutes ces chansons avant même de soumettre le projet. Je suis ton meilleur ami et Nuit d'Arabie faisait déjà partie du lot. To Be Free était une troisième, et oui, chanson pour le génie, mais elle était pas très gaie celle-là. Elle exprimait son mal-être, tout ça, sur la liberté. How Quick They Forget, comme ils oublient vite, aurait dû exprimer l'amertume des sidekicks humains d'avoir été oubliés. The Wazir Song, la chanson de Wazir, donc, aurait été une chanson de méchants particulièrement sadiques, et High Adventure, les grandes aventures, se serait située juste avant le climax et juste après que les trois acolytes aient sorti Aladdin de prison, car le sultan l'aurait pris pour un complice de la trahison de son vizir. Proud Eyeful Boy était une chanson mélancolique du début du film, où Aladdin exprimait le fait qu'il souhaitait rendre sa mère fière de lui, alors même qu'elle l'envoie vendre son alliance pour rembourser une dette. Babcock, Omar, Aladdin, Kassim était une chanson à propos des trois acolytes humains. Ces trois dernières chansons, et ces trois personnages, devaient plus tard se voir réintégrés dans la comédie musicale de Broadway, et dans le cas des trois hommes, ils remplacent Abou, qui est difficile de mettre un singe sur scène. Proud of Your Boy étant à Broadway chanté au souvenir de la mère décédée d'Aladdin. Alors, Upcak Omar Aladdin Kassim est rechanté par contre au début de l'histoire, et High Adventure juste avant, non pas le climax comme c'était prévu à l'époque, mais juste avant qu'ils partent sortir Aladdin du cachot où il a été mis, ça remplace la scène d'enlèvement qu'on connaît dans le dessin animé. C'est plus simple à représenter sur scène, je crois, qu'une scène sous-marine. Donc, ils sont tous les trois, au lieu d'être tous les quatre avec Aladdin. Et ils chantent ça en se disant « Ouais, on va entrer, on va tout péter, on va sortir de là. » Mais juste après cette chanson, ils sont attrapés aussi, ils ont juste l'air de trois couillons. Et en fait, c'est parce que je pense que la chanson était vraiment plutôt drôle et que je crois aussi que le premier jet était encore plus comique que ce qu'on a connu ensuite, si c'était possible. Voilà. Et finalement, le deuxième vœu doit être utilisé, mais pour les libérer tous les quatre cette fois. Sachant que Aladdin était bien au cachot, quoi, à cause de qui vous croyez, c'est-à-dire par Jafar qui avait dit « Attends mon petit, on n'a pas le droit de rentrer comme ça dans les appartements de la princesse, vous êtes en état d'arrestation. » C'était pour ça. Nuit d'Arabie, donc toujours dans ce premier jeu, elle aurait dû être reprise 4 fois au cours du récit par le génie de l'anneau qui faisait office de narrateur. Il y avait aussi la chanson Call Me a Princess qui a été envisagée d'être reprise à Broadway mais qui n'a pas été. C'était cette fameuse chanson qui aurait dû être le solo de Jasmine, entonnée après qu'elle a entendu ses servantes la critiquer dans son dos. Et où elle indiquait entre autres que son futur mari allait avoir besoin de deux choses, des boules-caisses, donc apparemment pour pas entendre ses jérémiades, et plein de fric, et je cite. Faudra attendre bien longtemps pour qu'elle ait droit à un solo officiel réparti entre les spéciales de la télé, les versions en scène et le remake. Parler, ou to be free, pour être libre, c'était quand même plus sympa. Alors, sachant que to be free, on l'entend dans la version théâtrale. C'était une adaptation de la chanson du génie du même nom. Alors, très franchement, je doute que la chanson de Call Me a Princess, appelez-moi une princesse, et surtout la caractérisation de Jasmine qui va avec, serait passée. D'ailleurs, à la preuve, ça l'a pas été. Mais en 1988, souvenez-vous, c'était l'année de la sortie d'Oliver et compagnie, le dernier film de la période âge sombre des années 80 de Disney. Et c'est tout à fait normal si vous en souvenez pas. Alors d'abord, Oliver, le chaton, était au sein d'un gang, le nom de chien, lui aussi. Et aussi, l'un des personnages était Georgette, une caniche royale pas foncièrement méchante, mais suffisamment imbue d'elle-même pour avoir un solo qui s'appelait « La perfection c'est moi », chanté par rien moins que Bette Davis. On peut penser qu'Howard Ashman, qui était débutant pour Disney, il voulait faire ses preuves. Il se serait inspiré de la dernière production de l'époque, et qui était aussi la première pour laquelle il ait travaillé, parce qu'il avait écrit les paroles de la chanson d'ouverture « Il était une fois à New York City ». On peut pas dire que ce genre de personnage ait vraiment fait florès, sauf pour Cusco en version masculine, et encore. Mais faut bien le dire, pour les femmes, ça fonctionne pas beaucoup. Alors, une telle personnalité, donc décrite dans les paroles de « Call Me a Princess », moi je trouve que ça parle plutôt de personnages comme les belles-sœurs de Cendrillon, donc qui sont des méchantes. aucune princesse n'a été rabaissée par une telle personnalité dans un grand classique. Alors c'est vrai qu'on en compte quand même quelques-unes au tempérament de Chippy, Marie dans Les Goomies, Valentina dans Elena d'Avalor, Sylphie dans Princesse Kilala, Ambre dans Princesse Sophia et Audrey dans Descendants. Mais à chaque fois, l'héroïne, qui est aussi une princesse, fait contrepoids. Donc respectivement, Kala, Elena, Kilala, Sophia et Mal, par son engagement avec le prince Bent. Et elle rend pour finir toujours l'autre plus gentille. Donc ce sont des personnages ponctuels, sauf Ambre, qui est récurrente, mais qui est aussi celle qui se corrigera le plus spectaculairement au contact de sa belle-sœur, Sophia. Ambre, ça doit être celle qui est la plus proche du développement de caractère qui était prévu pour Jasmine. Vous remarquerez aussi que ce sont des personnages de séries télé, ou de manga, ça dépend. Mais, dans un grand classique, c'est impossible. Le seul personnage qui s'approche vaguement de ce concept, c'était Charlotte Leboeuf, la riche amie de Tiana, dans La Princesse et la Grenouille. Seulement, elle a beau être une fille à papa, Lottie n'en est pas moins généreuse et gentille. Il paraît qu'elle est beaucoup devenue à mesure du développement de son film là aussi. Et encore, Charlotte, ce n'est pas le personnage principal. Alors imaginez qu'une princesse insupportable soit la de Terragoniste. Quel aurait donc été le statut de Jasmine alors, si tant est qu'elle soit héroïque quand même? Et ça aurait été problématique. Alors sans doute les réalisateurs en ayant flairé de très bonne heure que des petites filles allaient s'identifier à la princesse et que celle-ci devait être différente pour pas les vexer. Je crois que c'est une des premières choses qui a dû changer quand le jeu original a été soumis. Après, on essayera de faire passer Call Me a Princess dans la version de Broadway. Jasmine chante en cela au second degré dans l'unique but de faire fuir ses prétendants. Et ce sera pas gardé, bien qu'il en existe une démo. À la place, Jasmine chante This Palace Walls, les murs du palais. Et c'est tant mieux, parce que même en faisant semblant, cette chanson, ça va pas du tout avec la Jasmine qu'on a appris à connaître. Dans les storyboards, apparaît Jasmine qui est indéniablement plus gentille, mais apparemment pas encore aussi fougueuse que ce qu'on a connu par la suite. Alors ce serait Linda Wolverton, qui était la scénariste de La Belle et la Bête, qui serait partie dans cette direction. Les méchants étaient alors encore très différents, et puis l'inverse, enfin plus ou moins, de ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors Iago s'appelait encore Sinbad, il avait un accent anglais, il était un majordome coincé. Et Jaffa, un colérique hystérique. Ça a l'air d'avoir duré assez longtemps, et jusqu'à ce qu'on engage Gilbert Gottfried, et ça a inversé le tempérament. Alors les trois acolytes humains d'Aladin ont semblé sauter assez vite aussi, être remplacés par Abou. De même, la servante de Jasmine est devenue un tigre, car les animaux sont plus intéressants en animation. Puis surtout, on parle quand même de Disney là, ils vendent plus de peluches quand même. Et d'ailleurs, selon le format, c'est inversé, par exemple... À Broadway, c'est au contraire plus simple d'utiliser des humains. Donc on a, en hommage à Howard Ashman, non seulement remis ses chansons, mais aussi remis le trio qu'il avait inventé justement pour remplacer Abou, qui les avait remplacés, ironiquement. Et Iago, à Broadway, est aussi devenu un humain. Voilà. Et dans le film live, depuis les progrès du CGI pour les animaux réalistes, on peut au contraire se permettre les deux. C'est-à-dire mettre une servante, mais aussi un tigre et Abou. Dont le modèle original, d'ailleurs, n'est pas un animal. Alors, il est temps de citer un film que j'ai pas vu, mais qui serait une source d'inspiration majeure pour les réalisateurs, Le Voleur de Bagdad. Apparemment, il y a beaucoup de films avec des voleurs à l'époque. Ça date de 1940, et c'est normal si vous l'avez pas vu, du coup. Mais étant donné la génération des réalisateurs, eux, ils l'avaient vu étant enfants, bien sûr. Alors, le... Prince Ahmad de Bagdad a un grand vizir comploteur, un certain Jafar, alors qui était joué par Conrad Veidt et qui était absolument terrifiant, il paraît. Ahmad sera incognito dans la rue pour rencontrer son peuple, mais le vizir en profite pour le jeter en prison. Un petit voleur, alors qui est un humain, du nom d'Abou, le fait évader. Ils arrivent à Bassora, Ahmad tombe amoureux de la fille, alors complètement anonyme, semble-t-il, du sultan local, sauf que Jafar veut l'épouser. Donc il use de magie noire pour aveugler Ahmad et changer Abou en chien. Il trouve une cure, mais cette fois Jafar déclenche une tempête pour l'écouler. Puis il tue le sultan qui voulait pas accorder la main de sa fille. Alors Ahmad et Abou trouvent une bouteille avec un génie qui peut accorder trois vœux. Tiens donc. Ils arrivent de la sorte à Bagdad, où la princesse a été rendue amnésique par le parfum d'une rose bleue magique. Alors heureusement, revoir qui elle aime vraiment, c'est-à-dire Ahmad, restaure sa mémoire. Abou débarque en tapis volant, une révolte renverse Jafar et Happy End. Pas mal de détails ont dû vous dire quelque chose, pas vrai? Alors, jusque dans la série télé qui a été tirée d'Aladin à partir de 1994, Dans l'épisode de la Rose de l'Oubli, on va retrouver cette fameuse fleur bleue qui, là encore, a fait perdre tout souvenir de son identité à Jasmine, qui se prend pour une criminelle, pas moins. Et là encore, entendre Aladdin lui dire qu'ils se sont rencontrés et qu'ils sont tombés amoureux un an plus tôt va lui rendre sa mémoire. Alors, concernant l'influence du voleur de Bagdad à proprement parler, il y a les noms Abou ou Jafar, visiblement inspirés du personnage historique de Jafar ibn Yahya al-Barmarki, grand vizir du calife Haroun al-Rachid, entre 767 et 803. Tout comme il y a l'héritier du trône qui sort incognito et le passage dans le cachot. Bien que ce soit pas encore d'actualité dans le scénario d'Aladin en 1988. Par contre, on doit sans doute au voleur de Bagdad la présence d'un tapis volant qui a remplacé le génie de l'anneau. Le voleur de Bagdad fut longtemps une source d'inspiration pour Hollywood, pour rendre une histoire orientale. Alors c'est aussi à la base du jeu Prince of Persia, on retrouve le nom de Jafar pour le vizir antagoniste qui veut obliger une princesse à l'épouser. Déjà. Et puis une autre source d'inspiration serait une comédie de 1942 en route pour le Maroc. Évidemment, tous ces films sont bourrés de clichés. Aladdin avait d'abord été situé à Bagdad aussi, la capitale de l'Irak, mais la première guerre du Golfe a éclaté en pleine production, donc pour éviter de vexer quiconque, on inventera une cité fictive. Inspirée de Bagdad et d'Agra, donc Agrabah, et Agra étant la cité de l'Inde où est le Taj Mahal. Et comme quoi l'inspiration indienne c'est pas propre au remake du film. Alors le génie de l'anneau il va sauter lui aussi, remplacé par le tapis volant. Et concernant le génie de la lampe, on en vint très vite à en faire lassement la source principale de comédie plutôt que la princesse. Donc il était plus horrible et Eric Goldberg, qui était son animateur principal, il a très vite compris que le média animation ça permettait de le faire sujet aux métamorphoses fréquentes. Il a fait un essai d'animation sur un extrait d'un spectacle de Robin Williams, qui était doué pour l'imitation. Alors, il avait toujours été prévu pour la voix, mais en cas d'indisponibilité, on avait envisagé Steve Martin, Martin Short, John Goodman, Albert Brooks, je sais pas qui c'est, Matt Shewer, je sais pas non plus, John Candy et Eddie Murphy. Pour lui, c'était que partie remise parce qu'il interprétera Mouchou quelques années après. Et donc, l'idée de faire jouer le génie par un comique afro-américain, ça date pas du remake. Alors, on laissera tomber l'idée problématique de faire jouer par un afro-américain un personnage qui est plus ou moins un esclave magique. D'ailleurs, Jafar appelle vraiment comme ça, un esclave. Et quand le génie se change en humain, il devient un humain blanc. Mais ironiquement, il sera plus joué par des afro-américains ensuite. Il y a Will Smith, mais aussi les différents interprètes de la comédie musicale, de Once Upon a Time, et jusqu'à la reprise de la chanson Friend Like Me par Ne-Yo, qui a sans doute l'influence de Cab Calloway. Mais Williams, il a accepté comme on le sait. Ce personnage sera celui qui trouvera ses traits définitifs le plus vite, donc ressemblant à Williams. Toujours dans le casting, il y avait Danny DeVito et Joe Pesci qui avaient auditionné pour Iago, avant l'arrivée de Gilbert Gottfried. Alors, je suppose que c'est ces improvisations qui ont changé le caractère de Iago, qui devait déjà avoir échangé son nom, qui était pêché dans un autre conte des Mille et Une Nuits, pour un nom tiré de Shakespeare, donc plus original. Du coup, Jafar est devenu le plus froid des deux, et fortement inspiré de Maléfique. Et en parlant de lui, avant de caster Jonathan Freeman pour la voix, on avait songé à Tim Curry, Kelsey Grammer, Christopher Lloyd, Ian McKellen, John Hurt et Patrick Stewart. Donc du beau linge. Y'a qu'à penser aux performances du juge de mort ou de Magneto, rien que pour imaginer le résultat. Mais franchement, l'hypothèse de Tim Curry, ça laisse rêveur, quoi. C'était le Dr. Frankenfurter dans le Rocky Horror Picture Show, Satan dans Legend, on l'appelle le Seigneur des Ténèbres, mais pour moi c'est Satan. Le cardinal de Richelieu dans Les Trois Mousquetaires de Stephen Herrick ou Gomez Adams dans un téléfilm Famille Adams. Là franchement, on peut qu'imaginer le résultat. Et concernant Patrick Stewart, il a dû renoncer parce qu'il était pris par Star Trek Nouvelle Génération. Il l'a regretté toute sa vie, au point dit-on d'avoir tenté d'obtenir le rôle dans la version live. Et franchement, avec tout le respect qu'on lui doit, le résultat aurait fait trop whitewasher. Alors Jonathan Freeman, c'est vrai, avait obtenu de reprendre le rôle dans la comédie musicale, malgré qu'il ne ressemble physiquement pas du tout à l'original. Alors Menken et Ashman ont écrit quelques nouvelles chansons, dont Prince Ali, alors que Howard Ashman était déjà dans son lit d'hôpital, donc Siggy Red soit la chanson. Puis le Wazir Song sera réécrit au propre sous le titre Humiliate the Boy. C'est exactement ce que le titre suggère. Lors de la présentation d'Aladin au peuple après l'annonce de ses fiançailles, pendant le film terminé, c'est le moment on le pousse devant les gens, ils pensent je suis mort. Donc là, pour lui au contraire, au début, tout va bien. Mais Jafar vient de voler la lampe, et les vœux sont encore en nom illimité. Alors? Bah alors, il démasque la dame, mais pas d'un coup comme dans le film qu'on connaît. Mais de façon bien sadique, en faisant arriver des choses bizarres d'abord. Genre changement de taille, de pose, de vêtements, des gestes incontrôlés, toujours de façon intempestive et toujours embarrassante. On dirait presque du vaudou, parce que Jafar il peut aussi infliger des coups à distance, d'ailleurs il s'en prive pas. Alors, vu que le film se voulait déjà comique, je suppose qu'on s'est dit que ce passage serait hurlé d'ailleurs. Mais moi, rien que les animatiques me mettent mal à l'aise. Il est quand même bon de préciser qu'Aladin est alors pas du tout le héros qu'on connaît aujourd'hui, mais là encore j'y reviendrai. Cette chanson embarrassante ne sera alors la toute dernière jamais écrite par Howard Ashman, qui est mort le 14 mars 1991. Il n'avait que commencé à envisager, avec Alan Menken, une chanson romantique sur un tapis volant. Alors avec le moral dans les chaussettes qu'on imagine facilement, les scénaristes et réalisateurs ont créé une animatique d'Aladin, c'est-à-dire filmer les différentes étapes du storyboard, avec par-dessus les enregistrements sonores. C'est une étape indispensable pour savoir si un film va fonctionner. Alors à quoi ressemblait l'histoire à l'époque? Contrairement à d'autres films comme Retour vers le futur, Aladdin n'a pas vu son premier scénario mis en ligne. On a une idée de ce à quoi ressemblait le premier scénario que grâce à des extraits et commentaires visibles dans les bonus des DVD. C'est un peu un travail d'enquête parce qu'il n'y a vraiment rien qui traîne. Il n'y a pas la première version de Toy Story on n'a pas mis la première version comme celle de Toy Story par exemple sur le Disney Wikia, ni rien du tout. Mais je pense que ça ressemble à peu près à ceci. Donc après le prologue avec le marchand qu'on connaît déjà, on voit qu'Aladin, il doit avoir la quinzaine, vivait avec Abou et sa mère veuve, donc tisseuse ou réparatrice de tapis, et qui est surendettée. Elle envoie son fils vendre son alliance au début pour un créancier, il chante « Proud of your boy ». À un moment, poursuivi je crois, il grimpe avec Abou au sommet d'un palmier qui longe le mur du palais, et Aladin voit Jasmine dans cette occasion. Mais Abou dégringole au bas de l'arbre, et quand Jasmine lui demande « qu'est-ce que tu fais là toi ?», Aladin fait semblant de parler à sa place. Donc on comprend pourquoi dans le film terminé, Abou il sera réduit. Il est utilisé un peu comme un interprète à la fin de la scène de rencontre. Donc Jasmine elle aperçoit bien la silhouette d'un homme au sommet du palmier, mais elle se prête au jeu, elle exprime, probablement pour la première fois d'ailleurs, son mal-être de devoir épouser un prince. Donc Abou, ou plutôt Aladin évidemment, prétendant avoir des dons de voyance, lui prédit que l'homme qu'il lui faut paraîtra sous peu. Alors il y a des gardes qui arrivent, il doit fuir, mais Jasmine attend d'apercevoir l'homme qui lui a vraiment parlé. Alors c'était court, évidemment, autant que dans un vieux classique comme Blanche-Neige, mais quand même moins court que dans le conte, là où genre il se croise 2 secondes, cela étant dit. Alors la découverte de la lampe, elle devait ressembler à ce qu'on a connu ensuite, et le nombre de vœux était illimité. Alors on sait pas trop lesquels Aladin et sa mère ont formulé au départ, mais celui d'être un prince semble venir assez vite. Alors ce rêve bleu, qui était encore sans parole à ce stade, était déjà storyboardé, alors vraiment quasiment tel quel. Si ce n'est qu'il y a des petits détails, la scène suivante est aussi la même, donc y compris le baiser sur le balcon, sauf que juste après, Aladin dégringole sur le tapis vers l'avant, plutôt que vers l'arrière, mais sinon c'est quasi la même chose. Puis en l'absence de dialogue, je peux pas le jurer, mais on dirait vraiment que la scène qui précède la chanson, il n'y aurait pas eu cette fameuse confrontation crispée. Jasmine, elle semble alors beaucoup plus douce et conciliante. Puis vient la scène des fiançailles, et j'ai vu que l'animatique de la scène qui suit celle où le génie fait remarquer qu'il est temps de libérer, et bien Aladin ne le fait pas, car dit-il, maintenant tout le monde pense qu'il est un prince, et en plus il est fiancé à la fille du sultan, donc il faut continuer à maintenir les apparences, alors notamment en créant un royaume, un peuple, ce type de choses. Et ça prouve qu'Aladin a obtenu l'apparence d'un prince, mais pas l'identité réelle qui va avec, et je pense que c'est toujours le cas dans le film terminé, contrairement à ce qu'on dit assez souvent. Donc là le génie est vexé, et la mère d'Aladin lui fait la leçon en lui faisant remarquer que Jasmine mérite de savoir la vérité. Donc bien qu'Aladin soit pas prêt à lui dire. Bref, et bien qu'il se dise désolé, Aladin se met tout le monde à dos dans la scène. Mais il est vraiment loin d'avoir les scrupules qu'il a dans le film final. Ça me rappelle plutôt le live où accepter le pouvoir lui pose aucun problème. Juste après, il est présenté au peuple, il semble ok avec ça, mais Humiliate the Boy, donc 1 million de garçons littéralement la chanson, suit. Et cette pénible chanson se termine sur Aladin retrouvant ses anciens habits et donc vraie identité. Donc sa mère allait dans la foule sans qu'on sache si elle était juste partie bouder ou bien si c'est... sa présence auprès du prince Ali était un secret. Alors elle semble perplexe, Aladin la voit, il se prend la tête dans les mains du style « qu'est-ce que j'ai fait ?». Faut avouer que c'est émouvant pour un tel moment jusqu'ici de cringe comédie comme on dit. Puis la voix Jasmine, je ne suis pas un prince, c'était un mensonge. Elle répond, est-ce que tout était un mensonge? Autrement dit, il est vraiment amoureux d'elle ou c'est faux aussi? Ah, sans pas te dire que ça, c'était pas faux. Et je ne connais pas la réponse de Jasmine parce que la cinématique s'arrête là dans les suppléments du DVD. Mais elle posera finalement pas cette question dans le film terminé, et pour cause, je dirais. Avec des pouvoirs cosmiques phénoménaux, on peut souhaiter avoir directement le pouvoir si c'est ça qu'on veut. Devenir prince pour demander la main d'une princesse signifie bien qu'on s'intéresse à elle en tant que personne, c'est logique. Le climax et la fin de cette version sont des mystères, mais sans doute qu'ils sont pas très éloignés de ceux qu'on connaît déjà. Alors, c'est cette version de l'histoire qui sera montrée un vendredi d'avril 1991 au directeur d'animation d'alors, Jeffrey Katzenberg. À l'époque, les animateurs allaient finir leur travail sur La Belle et la Bête et passer sur Aladdin, dont il fallait valider l'histoire. Alors, Katzenberg, il ne lâchera qu'une phrase à la fin de la projection. C'est un long film. Bon, c'était pas mon signe, hein. John Musker et Aaron Clements iront boire une tequila pour se donner du courage avant de retourner au studio. Et comme ils l'avaient redouté, ils se feront appeler Arthur à leur retour. Alors, Jeffrey Katzenberg était notoirement esclavagiste et intransigeant, vraiment pas du genre à se laisser émouvoir par la mort récente d'un collaborateur. Pourtant, il était l'initiateur du projet, donc dans le cas présent. Et il a ordonné de tout reprendre de zéro, sans changer la deadline, alors sachant que la sortie du film était prévue en octobre 1992. Et un an et demi avant cette date, il a fallu tout jeter à la poubelle, quasiment tout le travail effectué, alors le scénario, le storyboard, les enregistrements, des dialogues, et puis les trois quarts des chansons. Ça n'a épargné quasiment que les musiques et les recherches graphiques. Alors c'était une tâche énorme, on comprend pourquoi les artistes Disney de l'époque y réfèrent à ce jour comme étant le Vendredi Noir. Et en fait, dans ces studios, on parle depuis de Vendredi Noir, le jour où on constate que le scénario ne fonctionne pas, après la première animatique et qu'il faut tout recommencer. Alors plus tard, en 93, c'est arrivé avec Toy Story aussi, entre autres. Alors Jeffrey Katzenberg, il confirmait bien là sa réputation d'avoir peu de scrupules pour bien-être des artistes, il aurait aussi fait redémarrer La Belle et la Bête de zéro. Mais franchement, avec tout le mépris que j'ai pour lui, c'est vrai que cette première version du film, elle n'était pas aussi excellente que la seconde. On a engagé deux script doctors, Terry Rozzio et Ted Elliott, donc encore un binôme. Plus tard, ils ont été célèbres pour avoir écrit Pirates des Caraïbes et The Lone Rangers. Mais à l'époque, ils n'avaient que Little Monster à leur actif. C'est un film peu connu, avec le thème des monstres sous le lit. Bon, je sais pas pourquoi on a parié sur eux, mais c'était bien joué. Alors, pendant une semaine, ils vont réécrire le scénario et se changer en bourreau, selon leur propre terme. Ils devront enlever la plupart des éléments inventés par Howard Ashman. La mère d'Aladin sera supprimée parce que, non seulement parce qu'en fait elle était narrativement superflue, mais aussi parce qu'en fait les deux protagonistes principaux fonctionnent bien mieux s'ils sont solitaires. Donc dépourvus de famille et d'un gang, Aladin est tout seul avec un animal, certes, mais ça nous le montre comme un self-made man, donc selon la mythologie américaine. Désormais, il choisit de changer de vie plutôt que plaire à sa mère. Et Jasmine est sans autre amie que son tigre, donc de son propre aveu. Et voilà pourquoi leur rencontre change si profondément leur vie pour tous les deux. Alors Linda Wolverton aurait été celle qui aurait développé leur relation et fait de celle-ci un point central du film. C'est une bonne idée parce que c'est ce qui permet à la princesse de cesser d'être un personnage fonction. Et c'est là qu'on dépasse le buddy movie et que la princesse cesse d'être un détail. En rendant son histoire à Aladdin nettement plus prenante, s'ils sont des solitaires jusqu'ici. Alors beaucoup plus prosaïquement, à l'époque, moins il y avait de personnages à animer, bah, c'était main, rappelons-le, et bah, mieux c'était. La rencontre a été modifiée. On reprend l'altesse qui sort incognito du voleur de Bagdad. Et c'est bien mieux, parce que ici Aladdin ne sait pas que Jasmine est une princesse au début, contrairement à la première version. Donc on sait qu'il n'est pas intéressé, qu'il est attiré par Jasmine en tant que personne. Et Jasmine, elle devient du style à fuguer parce qu'elle est bien moins sage désormais. Et ce serait Amy Pell, la productrice, qui en ferait une princesse rebelle. Alan Menken y sera si déçu de devoir supprimer la chanson préférée d'Howard Ashman, donc Pride of Your Boy, fier de ton fils. Si déçus qu'elles doivent sauter, qu'on essayera de la faire chanter au souvenir de sa mère décédée, mais ça fonctionnera qu'à Broadway. Le nombre de vœux, donc pour élever les enjeux, sera limité. Alors sur ce point, je me demande si le voleur de Bagdad où il n'y a que 3 vœux a servi d'inspiration. Mais aussi le dessin animé maison de la bande à Picsou, le trésor de la lampe perdue, qui était sorti l'année précédente en 1990. Je l'avais vu en vidéo juste avant Aladdin, et en visionnant ce dernier pour la première fois, ça m'avait frappé. Notamment parce que le génie ne pouvait accorder que 3 vœux, mais aussi parce que son plus grand souhait était d'être humain, donc libre techniquement, dans le trésor de la lampe perdue. Et c'est ce que Picsou souhaite pour lui à la fin, donc il devient un petit garçon, car ce génie est un enfant. Du coup, sa lampe s'effrite. Sans lui, elle n'a plus de raison d'être. Alors voilà pourquoi j'étais persuadée qu'il allait arriver à la même chose à la lampe d'Aladin après la libération du génie. Mais non. Elle tombe simplement à terre. Alors pour des Américains, le fait de pour finir libérer, entre guillemets, l'esclave magique, c'est une forte signification quand on connaît l'histoire de ce pays. Eh oui, médecin, l'esclavagisme, tout ça. Il y avait un autre rôle de Robin Williams, l'homme bicentenaire, qui va aussi dans ce sens, puisque il commence par un robot au service d'une famille humaine, mais il développe une conscience et décide de racheter sa liberté aussi. Alors le premier et le dernier vœu devenaient évidents du coup. Mais à quoi on pouvait utiliser le second? Alors on envisagera un temps, un parcours d'obstacles destiné aux prétendants. Mais donc ce fameux parcours de la mort aurait été trop long à animer. Et le deuxième vœu, il sera utilisé au cours de la scène d'enlèvement qu'on connaît dans le film terminé. Alors, il restait très peu de scènes du scénario original, si ce n'est Je suis ton meilleur ami et ce rêve bleu. Et voilà. Alors, reste que même avec ce nouveau scénario, des choses ont encore changé dans les mois à venir. D'abord, Alan Menken a tenté d'écrire de son côté un nouveau solo pour Aladdin, You Can Count on Me, tu peux compter sur moi. Alors, c'est mélancolique comme Proud of Your Boy. Et surtout, Aladdin dit My friend, you can count on me à Abou. Mon ami, tu peux compter sur moi. On imagine Alan Menken, de son cœur brisé, parlant de la sorte à l'ami disparu qui peut compter sur lui, Howard Ashman. Menken a également écrit une ballade baptisée The World at Your Feet, le monde à tes pieds, et Tim Rice, le futur parolier du Roi Lion, a été engagé pour l'épauler. Il rebaptisera la chanson A Whole New World, mon nouveau ou ce rêve bleu donc, voulant éviter feet, donc pied, dans un titre de chanson. Il comprendra aussi que You Can Count on Me n'était peut-être pas adapté au personnage en tant que tel. Il écrira Je vole, qui était plus enjoué à sa place. Donc même s'il aura une reprise triste pour finir. Et dernier point concernant les chansons. Humiliate the Boy sautera non seulement parce que le fonctionnement des vœux avait changé, mais aussi parce qu'elle paraissait trop cruelle. Ah ben sans rire, tiens. D'abord, Tim Rice et Alan Menken feront une chanson de méchant originale, Why Me? Donc pourquoi moi? Il existe une cinématique où Jafar présente cette chanson, donc pourquoi lui? Et il se passe presque les mêmes choses que dans le film, sauf que c'est Aladdin qui dit qu'ils ne se prosterneront jamais et qui est forcé aussi de le faire avec les autres. Il dit juste « Je suis désolé » une fois démasqué, et par la suite on se décidera pour une reprise moqueuse de Prince Ali. Why Me aurait dû être repris à Broadway, mais finalement ce sera pas le cas. Le marchand, tout à la fin, devait se révéler être le génie. Il se sera coupé par Katzenberg parce que d'après lui, les spectateurs partaient déjà à ce moment-là du film. Et personne ne doutait que de toute façon c'était bien le génie à cause de la ressemblance physique et le fait que Robin Williams le doublait aussi en VO. Alors à titre de clin d'œil, le marchand réapparaîtra et chantera à la fin du troisième film Aladdin le roi des voleurs. Alors autrement dit, toute son histoire c'était censé être le film, les deux téléfilms, et tous les épisodes de la série télé entre les deux téléfilms. Ok. Mon dieu, ça doit être encore plus long à raconter que dans How I Met Your Mother. Alors cette fin sera reprise comme on le sait dans la comédie musicale, c'est le génie qui narre, et dans le remake, le narrateur du film étant joué par Will Smith. C'est aussi apparemment dans cette version du scénario qu'au départ, alors il y avait un climax prévu qui était assez différent. Quand Jaffa formule le vœu d'être le sultan, eh bien là en fait ça changeait complètement le tissu de la réalité, ça instaurait une réalité nouvelle où il avait toujours été ça, toujours été le sultan, et tout le monde se souvenait que de ça, comme si ça avait toujours été le cas, un peu comme dans le 1985 alternatif de Retour vers le futur 2 en fait. Et la vague, on va dire, de magie induite par le vœu, ça n'épargnait que le tapis Aladdin et Abou, parce que le tapis s'était enroulé autour d'eux à ce moment-là. Pourquoi est-ce que du coup ça déjouait en fait la magie? Ben on sait pas trop, c'est déjà un problème. Puis il faut imaginer avec eux seuls qui se souvenaient de la réalité donc précédente, ça allait être compliqué sans doute de la rétablir, déjà faut imaginer. Convaincre Jasmine que Sissi était la princesse, alors que très certainement elle se souvenait jamais l'avoir été. Dieu sait ce qu'elle devait être. Enfin bon. Voilà, c'était juste trop compliqué. Donc, au bout d'un moment, on a décidé de faire ce qu'on connaît, c'est-à-dire qu'effectivement, il le devient en ce temps, mais qu'en apparence en fait. C'est-à-dire que pour autant, les gens veulent pas se prosterner, ils veulent pas obéir, parce que dans un film de live, ils s'aperçoivent que les gardes ne veulent pas obéir, évidemment. Et que c'est là qu'ils décident d'être un plus puissant des magiciens, et que... c'est pour ça que moi je suis d'avis que quand vous souhaitez un changement de statut, on va dire, social, vous n'en avez que l'apparence, après un vœu. Alors pourquoi c'est ça la question. C'est-à-dire que des gens ont dit logiquement, ouais mais non, mais pourquoi ils font genre, Aladdin c'est plus un prince une fois qu'on a révélé son identité, mais si, la réalité a été changée. Non, elle n'a pas été changée. Sinon, il se serait jamais souvenu avoir été autre chose. Là, si, c'était le cas. C'était une métamorphose, un peu comme Cendrillon, mais c'était tout. La vraie question, si je me disais, c'est pourquoi le génie ne donne qu'un statut de façade à ceux qui lui demandent. Alors, dans le cas de Jafar, c'est très facile de comprendre pourquoi. Il voit bien que c'est un type dangereux, il va pas lui donner, on va dire, le maximum demandé. Il lui se sert de la zone grise, c'est évident. Par contre, Aladdin, pourquoi il voulait vraiment l'aider, je ne sais pas. Soit ses pouvoirs cosmiques ne sont pas si phénoménaux que ça, il ne peut pas altérer en fait, la destinée d'une personne, ce qui a été fait par exemple dans un épisode d'Hercule, la série télé, et vraiment Hadès qui altérait la tapisserie de la destinée pour échanger son rôle et celui de Zeus. Là oui, mais là il n'y a rien de tel, la destinée n'est pas altérée, elle n'est pas changée, et s'il ne le fait pas, à mon avis, ben... c'est parce que soit il peut pas, c'est une limite à pouvoir, soit que tout simplement il n'y avait pas pensé plus que ça, il a dû se dire que l'apparence suffisait, c'est vrai qu'on aurait pu le croire aussi. Voilà. Un des derniers changements majeurs va concerner le graphisme du personnage principal. En effet, le film était, il est encore, un cas bien particulier sur un point. À l'époque, il était le premier grand classique centré sur un personnage humain de sexe masculin et adulte. Avant, il n'y avait que des jeunes garçons comme Peter Pan, Mowgli, Moustique ou Taram. Un héros adulte était jusqu'ici synonyme de prince charmant, générique et ennuyeux. Alors en fait, ça devait être un exercice tellement intimidant pour les animateurs, ils commenceront par dessiner Aladdin semblant vraiment entre 12 et 15 ans. Et tout mince, c'est pas très beau en fait. On peut encore avoir des traces dans la chanson « Je suis ton meilleur ami ». Donc vous guettez bien, juste après « Allume la mèche et tu seras gagnant », on l'aperçoit comme ça. Parce que cette chanson avait été la toute première scène animée, avant même le Vendredi Noir. Alors elle sera gardée avec son animation originale dans les plans éloignés pour gagner du temps. Le génie avait déjà la tête qu'on lui connaît, donc ressemblant à Robin Williams, mais c'était pas le cas pour Aladdin, qui était alors inspiré de Michael J. Fox. Alors Glenn Keane, son animateur principal, y tenait parce que un petit gars épais comme un grillon, selon lui, a à se battre pour quelque chose. C'était même fréquent dans les adaptations du conte. Au début du film d'animation de 1969, le héros est un enfant, même s'il grandit ensuite, est également dépeint comme un enfant dans les illustrations des mini-contes. Dans le premier des scénarios de Disney, dont celui d'avant le Vendredi Noir, il avait eu aussi des préoccupations plutôt enfantines à l'époque. Rendre sa mère, qui était alors encore vivante, fière de lui comme dans la chanson « Proud of your boy ». Et ce côté juvénile l'avait suivi après le remaniement du scénario. Alors pourtant, les studios avaient bien réussi un héros masculin tel que le prince Eric, peu de temps auparavant. Ou même le prince Philippe encore avant. Ce dont a dû se souvenir Jeffrey Katzenberg. Alors bien qu'il soit célèbre pour ses mauvaises décisions, il a eu un rare trait de génie, sans jeu de mots, quand il a vu à quoi ressemblait Jasmine qui elle était désignée bien plus tard. Que lui trouverait-elle, pensa-t-il alors. Et il dira vouloir qu'Aladin soit plus le héros type. Le pauvre Glenn Keane est encore blême quand il évoque ce moment dans des interviews des années après. Ne serait-ce parce qu'il savait qu'il faudrait recommencer toute l'animation qui avait déjà été faite. Et on en arriva à un protagoniste dans les environs 18 ans qui tenait plus de Tom Cruise que de Michael J. Fox, aux côtés de Julia Roberts pour reprendre les termes d'époque. Alors cet adulte qui était devenu orphelin et solitaire aura dès lors la princesse comme principale préoccupation. Ajoutez-y le fait qu'Aladin était l'un des héros Disney le moins vêtu jusqu'à Tarzan et devint l'un des crushs d'enfance les plus répandus chez les femmes de cette génération, et chez une certaine catégorie d'hommes. Le premier design nous le montrait entre autres avec un haut fermé, mais une fois redesigné, on en arrivera au fameux gilet ouvert directement sur la poitrine. Le pantalon, lui, s'inspirait des baggies portés par MC Hammer dans les clips de l'époque. Les tops, ou crop tops qui laissent voir le nombril de Jasmine, à mon avis, Ça reflétait aussi la mode chez les adolescents du début des années 90, en plus de la façon qu'Hollywood avait jusqu'alors de dépeindre les princesses d'Orient. Plus érotype, ou pas d'ailleurs, cependant, Aladdin il est certes plus grand, beau et fort, mais pas une armoire comme Hercule pour autant. Et Glenkin dira quand même avoir réussi à lui garder un côté jeune garçon très expressif, et c'est vrai. Mais un protagoniste masculin, au départ, c'est plutôt pour but l'identification. Alors l'histoire d'origine était à la fois célèbre pour son usage du fantastique, mais aussi pour un certain côté aventureux. Vous y ajoutez un protagoniste de sexe masculin, et là, avant d'effectivement cibler les jeunes garçons massivement à l'arrivée du nouveau millénaire, avec Tarzan, Atlantide ou la planète au trésor, les studios ont fait là un de leurs premiers pas en direction de ce public. Donc voilà pour la genèse du film, que vous connaissiez ou pas peut-être, enfin on peut la trouver quelques recherches. Alors par contre, que reste-t-il du film aujourd'hui? Là, ça va être une partie complètement inédite, parce que c'est mon avis. Que mon avis, bien sûr, en tout cas, mais le voici. À l'époque de la sortie du film, tout le monde était frappé de son humour. Alors bien sûr, le star talent, c'est aujourd'hui banal. Il n'y a rien de plus commun maintenant qu'une vedette prêtant sa voix au protagoniste d'un film en CGI avec des animaux parlants, et qui en assurera un maximum de couverture médiatique gratuite en parlant sur chaque plateau télé où on l'invite. Je suis blasé? Bon, si peu. Mais pas de tel calcul en embauchant le premier star talent d'animation, Feu Robin Williams. Il était doué en imitation, c'était évident dans certains films comme God Man Vietnam et Madame Doubtfire. Mais il s'en servait bien avant, déjà, dans des spectacles de one-man show. Eric Goldberg, l'animateur du génie, voulait savoir si le fait de changer constamment d'apparence collait avec des imitations. Et il vérifiera la théorie en réalisant un bout d'animation sur l'extrait d'un disque et d'un spectacle de Robin Williams. Il sera assez impressionné du résultat pour doubler le personnage proprement dit. Alors en fait, il aurait fait des heures et des heures d'improvisation et la difficulté pour les animateurs serait de choisir quoi garder. Même au stade du storyboard, il y a des coupes qui ont été faites. Il y a pas mal d'extraits d'animatiques qui traînent sur YouTube et qui illustrent justement les matériaux supplémentaires de Robin Williams. Qui d'ailleurs n'était même pas le seul, parce que Gilbert Gottfried, qui était la voix d'Iago, était aussi porté sur l'improvisation. C'est lui qui, par exemple, avait lancé l'énumération. Viens ici, faut qu'on se casse. Je vais faire mes bagages, ton adresse, rien que nécessaire. On va s'en prendre les flingues, les couteaux, les frappes. Dans la scène qui suit celle où le fait que Jafar est un traître est exposé. Alors c'était en fait nettement plus long et ça comprenait aussi un dépresseur de langue. Et ne me demandez surtout pas ce que c'est. Le résultat était si drôle, avec ce qu'on appelait alors l'animation dérangée, que des psychiatres recommandaient Aladdin à des patients déprimés au moment de sa sortie. Sauf qu'aujourd'hui, ironiquement, le dessin animé est classé comme film de princesse. Et comme l'un des plus romantiques avec La Belle et le Clochard. Alors que s'est-il passé? Mais déjà 8 ans après la sortie d'Aladdin, la franchise merchandising des Disney Princess était créée avec Jasmine dans les membres fondateurs. Elles étaient 6 à l'époque. Cette franchise devait bien marcher à l'inverse de la ligne des Disney Heroes, qui était centrée sur Tarzan, le prince Philippe, Hercule, Peter Pan, même Aladdin aussi d'ailleurs, et destinée aux jeunes garçons. Ça a disparu assez vite, c'était au début des années 2000 et c'est normal de ne pas se rappeler du tout cette franchise-là. D'ailleurs, vous comprenez maintenant pourquoi il a fallu acquérir Marvel et Lucasfilm pour intéresser le jeune public masculin. 20 ans plus tard, nous nous sommes accoutumés à voir le groupe des Disney Princesses, qui était agrandi à 11 devant le succès, un peu partout. Kingdom Hearts, Princess Killala, Princesse Sophia et Ralph 2.0, par exemple. Dans les parades des parcs Disney, il y a toujours un segment qui leur est consacré. Et en plus, je vous parle ni des disques ni des spéciaux en vidéo. Alors oui, Jasmine, c'est la seule de toutes à être la deutéragoniste de son histoire. On n'y a pas pensé plus que ça à la création de la franchise qui rassemblait simplement les princesses issues des contes. Mais est-ce que son film est puissamment associé à cette image et que Jasmine est une schtroumpfette mise en avant, selon l'expression qui dit que la seule fille dans une œuvre, donc comme la schtroumpfette, devient l'un des personnages les plus plébiscités du public ensuite. Ça arrive parfois aux personnages donc de Schtroumpfette. Et on peut s'amuser de ces livres estampillés Disney Princesse au rayon librairie, qui soit mettent Jasmine en avant dans une histoire, soit racontent l'original de son point de vue. Pourtant, dans le film proprement dit, dans Aladdin, le fantastique était indéniablement présent. avec un génie qui change de forme constamment pour appuyer ses propos et peut pas en être autrement. Et l'aventure aussi, t'es présente à cause d'une fin de climax qui tabasse et aussi d'une sortie épique de caverne qui s'effondre. Alors maintenant, le CGI en animation, ça fait tout, y compris l'animation tout court. Mais en 1992, le tapis en 3D et sa sortie en urgence étaient dignes d'un jeu vidéo, vraiment de quoi clouer au fauteuil. Mais justement, depuis on a visuellement vu plus impressionnant, ou plus tourné encore vers l'action-aventure, comme dans les films Disney du début des années 2000. Alors même l'aura comique s'est un petit peu évaporée, d'une part parce que les personnalités imitées par le génie ne disent plus grand chose aujourd'hui. De la même façon que les guignols de l'info, ça n'a pu faire rire que les Français des années 1990-2000. Sinon, vous étiez perdus. Moi déjà, en 1993, j'étais assez perplexe en tant qu'Européenne devant certaines têtes américaines. Évidemment, sauf les plus universels comme Arnold Schwarzenegger ou Jack Nicholson. Et encore, j'avais pas vu Taxi Driver, donc j'ai pas reconnu l'imitation de « C'est à moi que tu parles ?» Même pas dans Le Roi Lion d'ailleurs, où elle est aussi. Et d'autre part, depuis, d'autres grands classiques ont acquis la réputation d'être encore plus humoristiques, comme Hercule et surtout Cusco l'Empereur Mégalo, qui en ce qui le concerne est 100% parodique. Alors dans Aladdin, on faisait encore de la place au drame, à l'émotion, au suspense, à la peur même, enfin un scénario encore sérieux malgré tout. Puis l'un n'empêche pas l'autre, on voit déjà dans le film Princess Bride par exemple. Et c'est là qu'on en arrive à l'aura romantique, qui n'était pas forcément calculée au départ d'ailleurs. Souvenez-vous, c'était jusque personnage de princesse et sa vraie place. Alors, c'est tout simplement dû à l'impératif du scénario, final en tout cas. Vu la différence de classe entre les deux protagonistes, bah, il fallait pas qu'Aladin paraisse vulgairement intéressé. C'est pas très héroïque. Quant à Jasmine, elle devait trouver dans cette relation un moyen concret d'exprimer sa défiance envers les lois matrimoniales de son époque, et de façon plus générale, reprendre vie après avoir été si longtemps dans le carcan de son rang. Exprimer que c'était une princesse rebelle, justement. Et donc, s'investir dans cette histoire, elle aussi. Donc il fallut rendre manifeste l'intérêt qui se portait, et cela avant même que Jasmine révèle son identité, souvenez-vous. Et que dire de plus sinon, ce fut très bien joué. Souvenez-vous, par exemple, au moment d'énoncer son premier vœu, Aladdin pense à Jasmine spontanément, et de plus la décrit en parlant d'abord de sa personnalité avant son physique. Au point qu'on croit totalement la dernière scène dans un grand classique d'un coup de foudre au premier degré. Celle donc de la scène de marché. Alors normalement, c'est le niveau zéro de l'écriture paresseuse, ça explique que ça avait presque disparu ensuite dans les grands classiques, sauf pour être parodié dans Il était une fois, ou inversé de façon assez glaçante, comme dans La Reine des Neiges. Et sans mauvais jeu de mots d'ailleurs. Mais là, non, c'était vraisemblable, c'est ce qu'ont dit la plupart des critiques. Et c'est pour une raison simple, c'est que les princes et les princesses passaient 3 minutes, donc le temps d'une chanson, ensemble après leur rencontre jusque-là. Même dans La Petite Sirène, qui était pourtant moderne, alors par la force des choses, Ariel et Eric n'avaient pas eu le temps de se parler. Eric ne pouvait même pas être sûr de la réalité de l'existence d'une femme qu'il avait aperçue 3 secondes. Et cette fois, et pour une fois, un couple Disney prend le temps d'échanger à l'abri des regards et de constater qu'ils ont des problèmes qui sont semblables en dépit d'un milieu d'origine qui est pour le moins différent. Il y a des dizaines de détails, alors le fait de se comprendre instantanément et de marcher aussi spontanément dans la même combine alors qu'ils se connaissent depuis 2 secondes, quelques regards appuyés ou des lapsus révélateurs, genre tu ne passes pas inaperçu, qui construisent une alchimie rarement vue dans un film d'animation. Ariel leur duo, bien sûr, qui est puissant tant dans son imagerie que musicalement parlant. Bien sûr, c'était pas la première chanson romantique dans un grand classique, il y avait eu C'est ça l'amour, Belle à noter, Embrasse-la ou Histoire éternelle. Oui, mais il s'agissait de scènes plutôt statiques, si je puis dire jusqu'alors, de bal, de promenade, de dîner, alors que cet envol et parcours de lieux variés reste la parfaite métaphore d'un départ qui est simultané au 7e ciel. C'est aussi le premier véritable duo entre les deux personnages concernés depuis J'en ai rêvé, qui était dans La Belle au Bois dormant, car les chansons romantiques, souvent en fait, elles sont chantées par un ou par des tiers, comme Bella Notte, Embrasse-la, Histoire éternelle et L'amour brille sous les étoiles. Ou alors c'est penser plutôt que chanter comme La Mambo sous les étoiles, ou bien c'est chanté par un seul des héros, Un jour mon prince viendra, ou Hier deux enfants, ou Jamais je n'avouerai. Et là donc il n'y a que 4 grands duos romantiques dans les grands classiques à proprement parler. Je chante pour toi, dans Bambi, mais encore une fois c'est penser, c'est ça l'amour, mais encore une fois c'est pas chanter tout haut. J'en ai rêvé, et ce rêve bleu, qui reste pour bien des raisons le plus fameux du lot. On prétend même que Léa Salonga et Brad Kane, qui étaient les voix chantées originales de Jasmine et Aladdin, ils auraient, donc selon la rumeur, craqué l'un sur l'autre à l'époque de l'enregistrement. Donc ça les aurait évidemment aidé à faire. Mais, même si c'est qu'un racontard d'acteur shipping, moi je trouve ça assez parlant. Puis sans parler du fait que les couples humains de grands classiques, jusque-là, fallait toujours attendre la fin pour les voir s'embrasser. Alors c'était toujours dans le but de lever de malédiction, ou en tout cas dans l'euphorie de la victoire. Alors les années 90 étaient déjà moins chastes de ce point de vue-là. Et bon, pour diverses raisons, La Petite Sirène, ou La Belle et la Bête ne prend pas nous montrer ça avant l'euphorie de la victoire finale. La Petite Sirène, c'était pas faute d'essayer, mais justement, il fallait pas que ça se fasse avant certains moments pour lever une malédiction. Dans La Belle et la Bête, je dirais idem, avec des crocs pareils, on ne s'y risquerait pas, enfin je pense, avant la métamorphose en humain. Donc fallait attendre que ce soit effectivement l'euphorie de la fin. Et le baiser de conclusion, c'est d'ailleurs aussi dans Aladdin, mais cependant, le baiser au balcon, ça doit être l'un des plus connus du cinéma avec la version à l'envers dans Spider-Man. Alors celui-là par contre il est peu reproduit dans les parodies, mais les fanarts sur le sujet c'est innombrable. Et puis dans les. Il y a beaucoup de représentations dans le merchandising aussi, en tout cas de au moins l'instant d'avant quoi. Donc le tapis le pousse et je me demande si justement c'est célèbre, alors déjà à cause de l'aide assez inattendue du tapis, ou bien parce que ça a la réputation d'être un French Kiss. C'est quand même un cas assez rare dans l'animation tout public. Je vous disais pas que c'était moins chaste il y a peu de temps là. Ouais, ça doit être un peu des deux en fait. C'est aussi parce que c'est donné sans l'impératif de briser un sortilège ou bien parce que l'histoire se finit. Ça a conclu à un premier rendez-vous réussi, comme le ferait un couple réel en fait. C'est ce fameux réalisme qui fait nous sentir proche de ce couple-là, qui est perçu comme l'un des plus beaux de Disney. Alors bien sûr, le fait d'être réputé le plus sexy chacun dans sa catégorie, donc prince et princesse Disney, ça aide beaucoup. Jasmine, c'est vrai qu'elle est presque tout le temps nombril à l'air, et certainement aussi c'était le crush d'enfance de pas mal de garçons. Puis il est temps d'énoncer une vérité étonnante, du coup. Au fond, ce grand classique avec un protagoniste masculin est en fait construit comme un film de princesse habituel. D'abord, à cause de la ressemblance avec l'histoire de Cendrillon. Donc comme elle, Aladdin échappe à une vie de misère grâce à une créature magique. Ils obtiennent une apparence de princesse, ou de prince, qui permet l'entrée au palais royal. Et une histoire d'amour va débuter avec l'héritier ou l'héritière du trône, et ça permet une fin heureuse. Mais ça, c'était dans les deux contes. Par contre, il y a de quoi être frappé par des péripéties qui sont absentes. Des deux contes originaux qui font ressembler à Aladdin de façon frappante au film précédent des deux réalisateurs, La Petite Sirène. J'insiste, si vous lisez La Petite Sirène et donc Les Mille et Une Nuits, vous ne trouverez pas les détails dont je vais parler, ils sont propres aux adaptations. Donc, à savoir que les personnages titres n'aiment pas leur vie présente. Ils sont attirés par un monde qui est radicalement différent du leur, qui est la surface ou le palais. Et cette attirance finit par s'incarner par une personne qui est issue directement de ce monde, donc soit un humain, soit une princesse, et qui est rencontrée dans la foulée. Et qui, de leur côté, ils semblent avoir une fascination inverse, en fait, pour l'autre monde. Donc ça tombe bien. Il y a Eric, c'est sûr qu'il est intéressé par la mer, parce que son château est à côté, parce qu'il fête son anniversaire dans un bateau. Et Jasmine, elle fugue délibérément, parce qu'elle veut découvrir le monde au-delà du palais. Seulement, il y a une séparation en raison de différences qui sont à première vue insurmontables. Mais du coup, un deal est passé avec un être au pouvoir surnaturel, alors qui est totalement malveillant dans un cas et totalement bienveillant dans l'autre. C'est vrai que c'est la principale différence. Cela dit, dans les deux cas, c'est le ou la méchant ou méchante qui pousse le personnage titre dans cette direction en manipulant ce nouveau sentiment. C'est juste que dans La Petite Sirène, les deux fonctions sont remplies par Ursula. Si vous vous souvenez bien, Flotsam et Jetsam viennent trouver Ariel dans un moment de détresse, littéralement. Et ils viennent lui proposer le deal en premier, en jouant donc sur le fait qu'elle veut retrouver Eric. Et dans Aladdin, il est trouvé aussi, alors que c'est un moment plus glorieux, parce qu'il est au cachot. Et Jafar, donc déguisé en petit vieux, lui fait sa proposition, effectivement, en jouant sur le fait qu'il voudrait retrouver, pareil, cette princesse qu'il vient de rencontrer. Du coup, les protagonistes vont obtenir provisoirement une apparence qui est semblable à l'être aimé, dans le but de le ou la conquérir, même si elle ne limite en base de 3, hors de jour ou de vœux. Et le love interest s'additionne plus ou moins, on va dire rapidement, 2 et 2. Il y a toujours des doutes identitaires sur celui ou sur celle qui viendrait apparaître, c'est sûr qu'il y a la confirmation qui vient plus ou moins tôt. son côté, le ou la méchante va, ou méchant va s'assurer que la base de 3 soit de plus en plus réduite avant que l'objectif final soit atteint. Autrement dit, les jours passent où il y a moins en moins de vœux. Puis finalement, cet antagoniste va révéler brusquement la véritable apparence et l'identité du personnage en titre, donc devant le ou la gagné. Et très franchement, je trouve qu'il y a l'air complètement dévasté dans un cas, celui du personnage titre, totalement stupéfait donc devant le du Love Interest qui sont vraiment proches visuellement. Il y a même dans les deux cas la phrase « je voulais te le dire ». Alors, le climax va permettre de se débarrasser d'antagoniste, qui est dans les deux cas devenu un monstre géant d'ailleurs. Je crois que John Masker et Clemence aiment beaucoup ça. Mais après, notre protagoniste est redevenu l'ancien lui ou elle, donc une séparation se profile. Mais la situation est résolue par l'intervention du père de l'héroïne, qui détruit l'obstacle encore présent et donc happy end. Alors est-ce que c'est la patte des réalisateurs, donc John Masker et Clemence? Eh bien je ne suis pas de cet avis, parce que leur film suivant, La planète au trésor, Vaiana, et même La princesse et la grenouille n'ont pas du tout cette construction. Et Hercule non plus d'ailleurs. Aladdin est la seule typique d'un film de princesse du début des années 90, ce qui fait de ce film le seul de Disney prince, si on ose l'appeler ainsi. Faut rappeler qu'on a affaire au seul personnage masculin de grand classique qui est motivé, enfin une fois qu'il a rencontré les deux tyragonistes, avant tout par l'amour, comme des princesses classiques. Simba par exemple, lui, il est plus par la conquête de l'honneur, ou Taram par le fait de devenir un héros, ou Cusco parce qu'il veut construire son palais où il veut. Pourtant, le marketing n'assumait pas. C'est-à-dire, avant que le merchandising se mette à focaliser principalement sur le personnage féminin, vous prenez par exemple la célèbre adaptation vidéoludique d'Aladdin, par exemple, 93, si ma mémoire ne me joue pas de tour, et bien par exemple, ça faisait focus sur l'action-aventure, au point de faire l'impasse sur tout le milieu du film. Et donc ce serait le bleu, pas moins, qui n'est qu'une animatique. On y voyait pratiquement pas Jasmine du coup. Qui n'est pas sur la jaquette d'ailleurs non plus. Mais franchement, qui a dit qu'un homme ça faisait un mauvais personnage de conte de fées? Et puis surtout, pourquoi le marketing a-t-il décrété que les petits garçons devraient aimer que des super-héros? Et je vois pas vraiment pourquoi un destin à la Cendrillon ça ne les intéresserait pas. Mais voilà, c'est une histoire à la Cendrillon. Donc ça explique qu'aujourd'hui c'est plus perçu comme un film pour filles. Après j'ai une autre hypothèse là-dessus, les petites filles devenues grandes, il se peut qu'elles soient, enfin qu'elles trouvent le héros attirant quoi. Donc ça c'est on va dire l'héritage entre guillemets du film actuellement. Maintenant je vais passer on va dire à un côté un peu plus technique. Alors c'était un film datant des années 90, donc ça veut dire qu'il relevait de la catégorie dite de l'animation dérangée. C'est ce qu'on a pu observer de façon intensive dans l'animation en général et dans les grands classiques en particulier, du début de la décennie, puis de façon de plus en plus moindre jusqu'au début du siècle suivant. Donc ça marque particulièrement trois films très proches en style que j'appelle la trilogie des contes Disney des années 90. Alors les plus attentifs me font remarquer qu'il y avait eu Bernard et Bianca au pays des kangourous au milieu. Et franchement, elle se distingue du lot pour plusieurs raisons. Il n'est pas musical, il a été beaucoup moins rentable, et la thématique était très différente. Tout le monde l'a oublié aussi, en parenthèse. Et il n'y a pas tant d'animations dérangées que ça. Enfin, sauf quelques blessures amusantes, et puis certains personnages, comme Frank et Johanna, les lézards, quoi. Sachant que l'animation dérangée était aussi dans les séries télé, de l'époque, vous prenez Freakazoid, quoi, c'est totalement ça. Et c'était suivant le renouveau de l'animation, comme on l'appelait, qui avait suivi exactement Roger Rabbit, qui faisait un gros clin d'œil à l'animation dérangée, par contre, de l'âge d'or, donc des années 30-40. Intéressant aussi Roger Rabbit, hein. Je pense que tout le monde l'a oublié aussi, mais croyez-moi, il a beaucoup compté, pas seulement parce qu'il a relancé un autre âge d'or de l'animation dans les années 90, c'est lié directement, mais aussi parce qu'il avait justement remis l'animation dite dérangée à la mode. Et pourquoi ça s'y prêtait bien dans les grands classiques? Et bien c'est parce que dans une comédie musicale, on a le chant libre, pour se lancer dans ce qu'on a depuis appelé la Disney Acid Sequence, ou séquence Disney sous acide, qui a vraiment l'air d'être faite sous substance silicide, précisément. Et ça donne la parade des éléphants roses dans Dumbo, un exemple précoce en tout cas. C'est des moments un petit peu spéciaux d'un point de vue visuel, il y a une chorégraphie qui est absolument démente, et puis si la magie peut être impliquée, alors là on en prend plein la vue. Vraiment, le film il cesse d'être réaliste, il se transforme en une illustration un petit peu plus abstraite de la musique. Il y avait aussi Pour ceux qui s'en souviennent, Disney Acid Sequence, par exemple, c'est aussi la chanson de méchant qui est yodelée, parce que ça s'invente pas, dans La Ferme se rebelle. Et c'est là qu'un personnage qui est polymorphe peut devenir intéressant. Alors dans les interviews de réalisateurs présentes sur le DVD en 2006, ils ont dit qu'Aladdin pouvait faire en live action et qu'il avait été fait de cette façon d'ailleurs. Oui, je sais, y compris par la France plus tard. Hélas. Mais quelle valeur ajoutée pouvait apporter une version en animation? Eh bien, on a conclu que ce serait un génie sujet aux métamorphoses permanentes. C'est vrai que c'était difficile à faire sous un autre médium à l'époque. Alors, sauf que, presque simultanément, on devait développer une technologie qui permettait de montrer une réalité fantaisiste. Et 5 ans après la sortie d'Aladdin, le film The Mask nous montrait Stanley Pikis, donc Jim Carrey, sujet à divers changements d'apparence et autres clins d'œil culturels lui aussi. Alors, vu la source d'inspiration apparente des métamorphoses du génie, on dirait, comme ça l'est, il a vraiment passé beaucoup de temps devant les cartoons de Tex Avery. Je veux dire, ils vont jusqu'à faire la même caricature que celle de Fred Schlover. Et franchement, en visionnant The Mask, j'ai souvent pensé, ah ben ça alors, ça veut dire qu'on pourrait faire le génie en live action. Mais en fait, oui et non. Techniquement parlant, c'est possible, et encore plus facilement aujourd'hui. Seulement voilà, alors, contrairement au génie original, et donc au masque, celui de la version live, ce n'est pas un imitateur. En tout cas, pas dans les proportions du dessin animé. Alors, c'était sans doute pour éviter un écueil qui est apparu au fil des ans, j'avais déjà dit qu'en tant qu'Européen, on pouvait être complètement perdu devant les caricatures de célébrités qui étaient plutôt confidentielles, hors des frontières américaines. Par exemple, le génie qui fait une partie d'échecs avec le tapis, puis qui a une cravate au cou, là, tout à coup, et qui dit « Je trouve ça plutôt louche », pour qu'on rigole quand même, parce que c'est un personnage qui louche, mais sinon on le reconnaît pas, je pense. En fait, en VO, il disait « Je peux pas croire que je perds face à un tapis », et à ce moment-là, il était censé avoir la tête de Rodney Dangerfield, qui est... Oui, mais peu importe. Oui, bon. Ce n'est pas tout. Donc pour apprécier pleinement toutes les imitations du génie, à l'époque, il fallait non seulement être américain, mais aussi être adulte. Et aujourd'hui, ça suffit même plus, en fait. Je veux dire, même né aux États-Unis, il y a beaucoup de spectateurs actuels qui voient plus qui il est question. Et toutes ces allusions, ça date terriblement à l'Aladdin de 1992. J'ai supposé qu'on a voulu éviter le même écueil avec celui de 2019, qui ne fait plus du tout la même chose. Alors j'avais dit aussi question humour, on était en plein dans l'animation dite dérangée, qui était déjà bien visible dans La Petite Sirène ou La Belle et la Bête. Alors concrètement, c'est un style évoquant le cartoon de l'âge d'or façon Tex Avery, avec des formations qui sont vraiment parfois extrêmes, et ça n'épargne que les personnages harmonieux. Quoique, on en pose donc, parfois des choses bizarres. Vous avez qu'à taper le Never Pause de Disney Movie, voilà. Vous avez la tête un peu d'herp, comme on dit, même des héros. Et Jafar, en tant que méchant glacial, donc était tenu à une certaine dignité, il est normalement épargné par les gags, mais on restera quand même pas à l'envie de nous le montrer éclaté derrière la porte dans Prince Ali. Également, alors vous souvenez-vous, il y avait des gags genre les sous-vêtements révélés avec des motifs ridicules, dans Je vole, et puis aussi ceux du prince Ahmed, des objets tranchants qu'on jette au kilo, donc toujours dans The Vol, des petits oiseaux au-dessus de la tête d'un personnage qui s'assomme, donc enfin, plus exactement des petits tapis volants au-dessus de la tête de Yago, un mâchoire qui tombe, ça le génie fait ça plusieurs fois, etc. Et les animateurs ont admis qu'Aladdin ça poussait très loin l'art du grotesque pour un grand classique. Puis un rythme très soutenu dans les chansons aussi. C'est assez difficile de retranscrire tout ça en live, il me semble, alors. On a déjà fait mention dans La Belle et la Bête en 2017 qu'il y avait un rythme bien plus posé sur ce point. Donc ça c'est pour l'animation dérangée, mais qu'en est-il du doublage? Alors en y repensant, et depuis que je connais la VO du dessin animé, ben la VF me paraît, on va dire, problématique, à certains points. Alors là vous dites, ah ben comment ça, elle est très bien, enfin quand même une celle d'époque quoi. Alors oui c'est vrai, en tout cas concernant les interprètes, ça fait absolument pas de doute. Il y avait Richard Darbois, Eric Métayer, Fedora Pkin, sa voix grave qui était bien effrayante, ou Paolo Domingo. Ils savaient aussi chanter contrairement aux interprètes VO et sont tous excellents. Alors, ça donne envie de pleurer des larmes de sang quand Domingo sera écarté pour d'obscures raisons de droit, mais je crois, je suis pas très sûr, j'ai fait une interview une fois mais je l'ai pas retrouvé. Il sera remplacé partout ailleurs, enfin sauf dans Le Retour de Jafar, c'est à partir de ce film-là, par Guillaume Lebon. Alors contrairement à ce que son nom indique, Bon, là, il était pas très bon, en tout cas pas dans ce rôle. Mais dans Death Note, par exemple, je l'avais pas reconnu. Bon, ça, c'est un bon point. Il n'y a que Magali Barney, sauf Yasmine. C'est vrai que, comme Linda Larkin, qui était la voix originale, elle avait une voix dite insolite. À l'époque, on pensait que c'était plus original que tout ce qui a été fait avant. Mais bon, en y repensant, je sais pas, peut-être que j'aurais préféré une voix plus comme celle de Belle, même ou Ariel. Voilà. Moi, c'est le texte qui me laisse plus perplexe. Alors, question jeu de mots, la VF s'en sort pourtant généralement très bien. Ils arrivaient même parfois à caser un équivalent ailleurs quand c'était vraiment trop intraduisible. Alors, je trouve ça plutôt louche, dont j'ai déjà parlé. Et aussi, be yourself, du génie qui est transformé en abeille, c'est soit toi-même. Et le soi, donc be, c'était prononcé bee, donc l'abeille. Bon, on comprend qu'en VF, ils se contentent de dire vole de tes propres ailes. Mais une minute avant, ils disaient juste oh, ok, fine, enfin okay, voilà, ça va quoi. En VO, en VF, il dit tu me fiches le bourdon. Alors là, ok, c'était vraiment brillant. Et là, on ne peut pas en dire autant des chansons. Voilà. Comme tous les maudits français de France, je suis tellement accoutumé à ce rêve bleu qu'écouter les versions québécoises me ferait sursauter. Mais reste qu'appeler la chanson Un Nouveau Monde, c'est effectivement plus judicieux. Parce que One New World en VO, ça veut dire un tout nouveau monde. En plus, la version québécoise prouve que la rime est possible pourtant. Ça fait même plus de sens au vu de ce qui se passe, à savoir qu'on parcourt le monde, en effet. Et la notion de rêve, c'est même contraire à l'intrigue, je trouve. Le verre où personne ne nous dit c'est interdit de croire encore au bonheur, se disait en VO, personne pour nous dire non, où aller, ou ce qu'on est seulement en train de rêver. Donc la réalité du voyage était importante. Je sais vraiment pas d'où vient ce mystérieux titre VF, peut-être de l'esthétique de la scène. Alors Alan Menken a raconté qu'il le trouvait trop génial, mais je sais pas si c'est ce que ça veut dire. Et à la fin de la VF, c'est Jasmine seule qui dit « pour toi et moi », avant que le duo ne finisse par « pour toute la vie ». Alors qu'en VO, « pour toi et moi », c'est le vers final, et j'ai une préférence quand c'est ce vers-là justement qui est chanté simultanément. En plus, ça a changé le sens, on va dire, de quelques matériaux supplémentaires, comme le roman Twisted Tale, A Whole New World, qui est sorti en 2015. Alors les Twisted Tale, c'est des romans et si, en fait, où les méchants des classiques Disney gagnent en apparence et où du coup la victoire finale est plus dure à arracher. Là, c'était Et si Jafar avait eu la lampe plutôt que d'habitude, c'est-à-dire à la sortie de la caverne. Eh bien, ça produit en effet un nouveau monde, en fait. Et le double sens n'est vraiment pas conservé dans le titre de la VF qui s'appelle toujours Ce rêve bleu. Il y a des chansons, je suis plus venu à les regarder qu'en VO comme Je vole, qui était One Jump Ahead, donc c'est difficilement traduisible, ça implique une notion de s'échapper à la dernière seconde, c'est cette difficulté qui la rend moins bien rythmée en français. Et là, elle est pas beaucoup mieux traduite en québécois, je trouve. Puis les dialogues, parfois. Ça m'a amené à me demander si la VF n'a pas dû être faite dans la précipitation, ou bien si la synchronisation était trop difficile. C'est peut-être plutôt le second cas. J'ai vraiment pas les moyens d'enquêter, mais reste que la VO, qui est tellement connue sur le net, référencée, citée, etc. Alors la VF de France, maintenant, elle est parfois dérangeante quand elle est différente. Alors, c'est un petit détail, mais pour commencer, la VF a été expurgée de toute allusion à Allah. Le voleur Gazim, par exemple, au début, s'exclamait par Allah en VO et par tous les saints en VF. Parce que j'ai jamais trouvé pourquoi. Et pourtant, il n'échappe à personne qu'on est dans un royaume musulman, parce que la loi coranique qui prévoit l'amputation d'une main des voleurs est évoquée au moins deux fois dans l'histoire. Et au début du film, la caverne dit n'accepter qu'un « diamond in the rough », c'est-à-dire un diamant brut, et ça fait sens. Au vu du parcours du personnage principal, un diamant brut, c'est moins impressionnant en apparence qu'un diamant qu'on a pris le temps de polir et de tailler. Mais en VF, le diamant d'innocence, ça me laissait perplexe quand j'étais enfant, parce que devoir voler, je trouvais pas ça très innocent. Donc je suppose que cette expression, c'est une question de rythme, en fait. Aussi, la VO voyait Aladdin être régulièrement qualifiée de « street rat » ou « rat des rues ». En VF, les gens disent rien. À première vue, c'est pas très grave. Sauf que dans le film proprement dit, on comprend pas très bien pourquoi Razoul, donc c'est le chef des gardes, qui n'a pas reconnu Jasmine de son déguisement, l'appelle « souris des sables ». Donc « street moves », la souris des rues en VO. Et puis il y a eu tout le matériel supplémentaire où l'emploi du terme original serait expliqué pas mal de jeux de mots ou de gags visuels. Par exemple, dans Once Upon a Time, Jafar métamorphose des voleurs pris sur le fait en rats, donc littéralement. Évidemment, quand on ne connaît que la VF du film d'origine, on ne voit pas pourquoi c'est des rats, plutôt que des crapauds ou des cafards par exemple. Songez aussi que le titre VO de cet épisode, c'est Street Rats, justement. Souvenez-vous aussi au début du prince Ahmed qui cherche à corriger deux enfants qui lui ont coupé la route. Alors évidemment, c'est pas digne d'un homme élevé pour veiller sur le petit que soit normalement. Non sans raison, Aladdin lui fait un reproche dont enfant je comprenais absolument pas la portée, donc l'histoire des leçons de politesse. En VO, il y a tout qui s'éclaire, il dit qu'on pourrait attendre d'un prince qui pourrait afford some manner, c'est-à-dire s'acheter une conduite, c'est une expression courante en anglais, et qu'on dit à tous ceux qui font preuve de rudesse, donc indépendamment du niveau de vie. Alors en VO, ça crée un jeu de mots entre la notion d'achat qui est contenue dans l'expression et le pouvoir du prince à ce niveau. Bon, c'est sûr qu'en français, il aurait fallu une expression équivalente. Qui d'ailleurs existe, puisque c'est s'acheter une conduite, justement. Ah bon, là, je comprends pas. Et puis aussi, hélas, ce qui est normalement la grande phrase de Jasmine, celle qui la résume magnifiquement, qui est toujours citée, qui est imprimée sur les t-shirts et tout, « I am not a prize to be won. » »« Je ne suis pas un prix qu'il faut gagner, littéralement. » Alors elle est loin d'être si fameuse en français, pour cause, parce que Jasmine affirme qu'elle n'est pas le premier prix d'une tombola. C'est un anachronisme qui est très malvenu, parce que, en dehors du fait que moi, le mot m'a vraiment toujours fait ressurgir des souvenirs de kermesse scolaire en tête, ça n'a rien à voir avec le contexte. On va dire que ça nuit à la solennité du moment. Et puis même enfant, je savais déjà que le concept de loterie, ça n'existait pas à l'époque où se situe le film. Alors, et puis du fait qu'il y a pas mal d'anachronismes comiques, mais là, il n'est pas question de faire rire. Pire, je savais même que l'islam bannit tout jeu de hasard et d'argent. Donc, en ce temps, et dans cette culture, Jasmine, après sa sortie, aurait pas dû obtenir un silence gêné, mais plutôt, le premier prix d'une quoi ? Quel est ce mot ? Et dans Once Upon a Time, donc dans une scène équivalente, Jasmine mentionne plutôt qu'elle n'est pas un trophée. Donc ça c'est bien vu, parce qu'on y retrouve la notion de l'épouse trophée dans la VF de la série Once Upon a Time. Alors tout ça, on va dire, petit problème, ça relève de l'ordre du détail. Mais je me rends bien compte que pour moi le plus gros défaut est tellement gros que là, c'est surtout ça dont j'ai parlé. C'est dommage, parce que le film mérite qu'on s'en souvienne pour d'autres choses. Mais franchement là, je peux pas le laisser passer, d'abord parce que pour moi ça a toujours été une forme de trauma, mais aussi parce que je me rends compte que je suis peut-être pas la seule aujourd'hui, grâce au film live, vous faites aussi aux autres adaptations comme à Broadway, où justement, c'est une scène, pourtant pas très longue d'ailleurs, mais voilà, qui n'a jamais été adapté, y compris dans le live, et en fait c'est là que je me suis dit peut-être que effectivement finalement il y a une forme de regret, et pour moi c'est un soulagement. Alors de quoi je parle ? Bah, du fait que j'ai jamais aimé le climax, avec lequel j'ai toujours eu un problème, enfin avec son début, parce que c'est sûr la fin elle tabasse avec un méchant qui a été métamorphosé en monstre géant, c'est un classique indémodable. Non, pour moi le problème vient du début. Enfin, plus précisément du traitement du personnage de Jasmine. Enfin, si ce n'est le moment où elle balance une coupe de vin à la tête de Jafar, là d'accord, c'est celle qu'on connaît, et c'est même un comportement qu'on pourrait dire à la limite de la témérité vu les circonstances. Mais c'est quand même le personnage qui prend le plus cher sur tous les plans dans le segment concerné. Si étonnant que ça paraisse, je dois admettre, la scène est peut-être directement inspirée du conte d'origine. Parce que la princesse Badroul Badour, souvenez-vous, c'était son nom, a été kidnappée par le sorcier antagoniste de l'histoire et lui résiste, jusqu'au soir où elle semble se montrer complaisante. Bah et pour cause, il ingère comme ça sans méfiance la coupe de vin empoisonnée qu'elle vient de lui préparer. Dans le film, il y a beaucoup de gens qui disent que la scène est leur préférée ou que c'est la meilleure, parce que ça revient au même pour pas mal de monde. Et en particulier, celle où elle use de ses charmes pour essayer de se tirer de là. Franchement, pourquoi ? A eu tous ceux qui m'ont dit que ça démontre le courage de Jasmine parce qu'elle surmonte son dégoût de Jafar. D'autres qui disent que ça démontre son intelligence, vu ses talents de comédienne, et qu'elle comprend direct que c'est ce qu'il faut faire. Et d'autres encore qui ont dit que c'était une forme de sacrifice héroïque. En tout cas, c'est ce que disent les animateurs dans les commentaires audio du DVD. Et que donc, ce qu'elle fait peut pas être considéré comme une trahison pour cette raison, etc. Je ne connais quasiment que les réalisateurs, toujours sur le commentaire audio, pour admettre que la scène était la plus horrible du film. Donc ils sont les seuls, à ma connaissance, à penser pareil que moi. Parce que la scène en question dans Aladdin, enfin la version animée, ça m'a toujours donné la nausée. Mais, même sans tenir compte de la fragilité de mon estomac, comme disent les anglo-saxons, « This is wrong on so many levels ». Ce n'est pas bien à tellement de niveaux. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. pour commencer. Et bien sûr, c'est affreusement sexiste. Tellement que je pensais que c'était déjà ringard dans les années 1990. Dans un épisode des Simpsons, recherche Xena désespérément, le vendeur de BD à qui Lucille Lawless vient de faire le coup de la séduction pour s'échapper dira « T'as utilisé un truc tellement éculé qu'aucune héroïne de BD n'ose plus le faire ». C'était en 1997 et 5 ans après le film. Reste que c'est pas justifié dans le cas de Jasmine, c'est même carrément « out of character », donc en dehors de sa caractérisation comme on dit. En deux occasions dans le film d'origine, on la voit séduire ouvertement un homme, et toujours pour de faux. Seulement, comment est-ce qu'elle a la moindre idée de comment on fait? C'est ça qui m'a toujours surpris. Alors oui, c'est un cliché éculé et sexiste, mais au cinéma, son utilisation se justifie plus ou moins selon la personnalité d'intéressée. Dans The Mask, donc toujours ce film, durant le climax, Tina, interprétée par Cameron Diaz, risque la mort parce qu'elle est attachée à une bombe. Elle le doit à son ex, qui est Dorian Tyrell, donc l'antagoniste. Il est devenu tout puissant depuis qu'il a mis le masque, mais Tina parvient à lui faire enlever en prétextant de vouloir l'embrasser sans. Et elle parviendra, grâce à un coup de pied bien placé, à renvoyer le masque vers Stanley Ipkiss, donc force est de constater que la ruse éculée a fonctionné ici. C'est absolument navrant, mais ça se justifie pour plusieurs raisons. D'abord, Tina est adulte et elle est chanteuse de cabaret de profession, donc la séduction fait partie de son métier. De plus, elle sortait encore peu avec Dorian, qui est un lien avec les milieux interlopes, soit dit en passant. Donc c'est pas étonnant qu'elle s'y connaisse et que sa requête ne semble pas étrange à son adversaire. Je suis même pas en train d'affirmer que les héroïnes Disney ne devraient jamais rien faire de semblable, même si je préférerais que ça leur arrive pas. Mais quand est-ce que quelqu'un va penser à nos enfants ? Si c'est dans leur tempérament, j'en suis pas ravi, mais pas choqué pour autant. Mégara dans Hercule, par exemple, ça lui ressemble. Et jouer les allumeuses, c'est d'ailleurs exactement ce qu'elle est envoyée faire auprès d'Hercule. C'est aussi la première femme européenne à le faire dans un grand classique. Alors de toute évidence, parce qu'on ne connaît ni son statut social, ni son passé, Meg a un certain vécu de ce point de vue-là. Ne serait-ce que parce qu'elle est la seule héroïne de grand classique qui est confirmée avoir eu un autre petit ami avant le personnage titre. C'est un ex qui est d'ailleurs responsable de son esclavage présent. Esmeralda, dans le bossu de Notre-Dame, elle pourrait aussi avoir eu une telle expérience. Elle a été élevée dans la rue, elle est adulte aussi, puisqu'elle a une vingtaine d'années, et c'est une danseuse de profession, et de la variété qui s'y connaît en pole dance apparemment. Alors franchement, j'aurais pas été étonné qu'elle fasse preuve d'une telle ruse, mais ça sera pas le cas. Esmeralda, c'est une farouche qui use plutôt de la force. Rappelez-vous comment elle accueille Phébus dans l'église. Face à la proposition indécente de Claude Frollo, elle va lui cracher au visage, c'est la bonne réponse entre parenthèses, préférant la mort au déshonneur. Pourtant, et en faisant ne serait-ce que semblant d'être d'accord, eh ben elle aurait pu aisément lui faire baisser sa garde, et le poignarder dans le dos ensuite. Mais avec Jasmine, franchement, désolé les enfants, je vois pas comment c'est possible. Elle a même pas encore 16 ans, c'est censé être son prochain anniversaire dans le script original, même si ça a sauté au final, mais ça reste son âge officiel dans les wikis. Elle appartient à la bonne société, et pire, elle a encore jamais été autorisée à sortir. Donc difficile de rencontrer des hommes dans ces conditions, et surtout dans cette classe sociétale. Alors, est-ce qu'il y a eu possibilité de se faire la main sur ses prétendants? Eh ben, je vois pas pourquoi. Le dialogue précise que Jasmine a détesté tous ses soupirants, donc il n'y a aucune raison de leur donner de faux espoirs. Elle est tout à fait en position de plutôt leur envoyer son petit gros fesse, et d'ailleurs, c'est exactement ce qui se produit. Deux fois. Vous y ajoutez l'absence d'une complice féminine auprès de qui glaner des conseils, donc meilleure amie, grande sœur ou mère maquerelle, ça commence souvent comme ça dans la réalité, et ses talents en la matière semblent totalement innés. Et parce que Jasmine le fait deux fois en 1h30, on me donne à penser que recourir à ses charmes, c'est un réflexe très ancré chez elle, y compris quand c'est pas une question de vie ou de mort. Donc la première fois. Elle semble même étonnamment experte, en tout cas dans la gestuelle. Mais normalement, ça ne se devine pas sur le tas de savoir rouler des hanches et prendre une voix de louve en rut. Il n'y a vraiment rien qui justifie la dite expertise. Pour elle, c'est pas une question de survie, parce qu'on parle quand même de la fille qui savait pas qu'on payait avec de l'argent, personne n'a pu lui apprendre, elle est trop jeune pour avoir beaucoup d'expérience en la matière, son milieu ne lui donne pas l'occasion d'expérimenter tout ça, et son éducation royale ne lui a sûrement ni enseigné ni encouragé de tels penchants. Le pourquoi du comment, j'ai bien peur de le connaître. Ça s'appelle le fanservice. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien voilà comment j'ai su. Dans les commentaires audio du DVD du film, ou dans le film Les héroïnes Disney, de Christian Renaud, qui était paru chez Feu l'éditeur Dreamland en l'an 2000, les auteurs ont admis qu'une version très hollywoodienne et donc fantasmée de l'Orient les avait inspirés. Plus que toutes les recherches documentaires ou historiques qu'ils ont pu faire, pourtant ils en ont fait, donc y compris pour la représentation de la femme. Ça explique que Jasmine, avec son nombril à l'air, est plus habillée comme une danseuse du ventre que comme une princesse. Ou que les vraies danseuses, en l'occurrence celles dans Je suis ton meilleur ami ou Prince Ali, soient en équivalent d'un bikini, porté sous des pantalons translucides au début de Prince Ali. Ce qui veut dire que Jasmine aurait pu être habillée pire encore en tant qu'esclave. Il y a aussi la maison close qui apparaît dans la chanson Je vole. Comment ? On me signale dans l'oreillette que c'est censé être un salon de massage. Ah bien sûr, c'est plutôt spécial les massages, hein. Bon bref, on y voit des femmes aussi avec le nombril à l'air. Alors on va pas tourner en rond, l'Orient est un sujet de fantasme pour les hommes occidentaux, depuis Ingres et ses odalisques, enfin en particulier en ce qui concerne les femmes. Et en totale contradiction avec la culture musulmane, soit dit en passant. J'apprendrai rien à personne en disant que Jasmine était la première héroïne, premier rôle d'un grand classique, à être non-européenne. Et aussi la première princesse à être non-caucasienne depuis la Tigresse, mais bon, si on se souvient bien, les Indiens n'étaient pas franchement mis en valeur dans Peter Pan. Aladdin, ce sera le premier grand classique à mettre une ethnie autre qu'européenne en avant, y compris pour les personnages principaux. Et Jasmine sera la précurseur parmi les princesses de personnages tels que Pocahontas, Mulan, Tiana et Vaiana. Hélas, comme toutes les pionnières, elle va essuyer aussi pas mal de plâtre. Alors déjà, dans le livre Les héroïnes Disney, elle apparaît dans le chapitre intitulé « Exotisme et sensualité », je cite, qui analyse les femmes sexy, donc Jessica Rabbit ou Megara, ou exotiques comme Pocahontas, ou exotiques et sexy, car ça revenait souvent au même. Et le titre de son paragraphe est « Jasmine, le fantasme oriental par excellence ». Oui, pas moins. Christian Renaud écrira ceci, ouvrez les guillemets, la femme orientale, vue par l'Occident, est une amoureuse sensuelle, des mères gondées, à demi-nues, et disponible. Tout l'inverse de l'américaine antérieure aux années 50, fermez les guillemets. Est-ce que vous commencez à voir où est le problème et où est censé se situer l'origine de la fameuse expertise? Dans le paragraphe proprement dit, on peut lire « Si les scénaristes avaient voulu en faire une vraie émancipée, ils auraient alors perdu la dernière once de crédibilité qui en fait une femme arabe, je cite. Donc mesdames, qui ont des origines arabes, vous êtes forcément soumises pour cette seule raison. Ah. Mais donc, dévergondées en même temps, si paradoxal que ça paraisse. » Alors Christian Renaud poursuit ainsi. Jasmine sait qu'elle est belle et elle veut s'en servir. Elle veut faire semblant d'aguicher Aladdin déguisé en prince Ali, et se déhanche-t-elle une déesse de l'amour. Son corps parle de sexualité, sa bouche parle d'investissement financier à long terme exonéré d'impôts. Fin de citation. C'est vrai que si on coupe le son, on pourrait croire qu'il est question de complètement autre chose. Christian Renaud poursuit. Plus troublant encore quand elle est l'esclave enchaînée de Jafar, toute de rouge, dévêtue, elle n'hésite pas à s'offrir. Encore une fois, je cite, je sais pas ce qu'il faut comprendre derrière le verbe. C'était la première à faire ça, mais pourquoi? Enfin, je veux dire, belle mise au pied du mur par Gaston, elle aurait pu facilement le berner, vu qu'il a que deux neurones, ne serait-ce que pour qu'on les laisse sortir, son père et elle, de leur cave. Mais Belle ne va jamais user de ses charmes. Parce qu'elle est caucasienne, je ne sais pas. Ah, et puis Ariel aussi. Elle qui reste innocente et jamais sexualisée en dépit du fait qu'elle est souvent en soutien-gorge. Qu'elle est même qu'en soutien-gorge à un moment, donc celui où elle vient de gagner ses jambes et avant de se faire une robe en voile. Séduire, dans son cas, c'est même une question de vie ou de mort, en fait. Ariel, qui a plus de voix, va se voir conseiller d'user du langage du corps de façon peu subtile. Sachant que jusqu'ici, c'était un truc de méchante. Même Sébastien va lui dire, donc, de... Voilà, battre des cils et tout. Mais Ariel ne le fera jamais, elle, de rouler des hanches, enfin, à défaut d'autre chose, et les autres devront chanter à sa place. Pourquoi ? Parce qu'elle est caucasienne. Je dois comprendre quoi, là? Que Jasmine doit à sa nationalité d'avoir le gène de la séduction, apparemment imprimé spontanément dans son ADN? Puis surtout qu'on me fasse parier avec le fait qu'elle ne serait pas émancipée, en fait. Elle rejette la loi, elle fuit, elle fait remarquer qu'elle n'est pas un trophée, et haut et fort en plus. Elle est impertinente verbalement avec les hommes, elle réclame le droit à choisir dans un espace-temps, ça se fait pas. Et c'est une prisonnière rebelle. Je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Alors, nous disions donc un passage sexiste, raciste, et ah oui, à la limite de la légalité aussi. En tout cas, c'est toujours comme ça que je l'ai ressenti en tant qu'enfant quand je l'ai vu pour la première fois. Alors, bien sûr, on est censé être dans un royaume aux mœurs très différentes des nôtres, avec des femmes mariées à l'âge de 16 ans. C'était l'âge du consentement minimum en Occident à l'époque de la sortie du film. Mais justement, c'est fait par des hommes qui étaient censés avoir des mœurs plus modernes et refléter leur époque. Et le détournement mineur dans les années 1990, ça existait déjà. Même si le concept de majorité, ça n'existe pas in universe, encore une fois, je m'étonne que des hommes pour qui ce principe était bien connu et protégeaient leurs filles, ils aient à ce point-là passé outre dans leur scénario. Moi, tout ce que je voyais à l'époque, et je le vois encore aujourd'hui, c'est un homme qui cherche, disons, les faveurs, ouais, on va dire ça, d'une jeune fille qui a le tiers de son âge au minimum, qui non seulement est mineure, mais qui a à peine atteint l'âge du consentement, c'est à 24 heures près. C'est une différence qui ne fait aucun doute, parce que même le sultan, il était choqué au point d'interrompre son hypnose, il s'exclamait « Mais vous êtes si vieux !» quand plutôt Jafar, il cherche à lui arracher la main de Jasmine. Donc un mot, burk. On comprend mieux pourquoi dans le texte original, le grand vizir cherchait à ce que la princesse épouse son fils plutôt que lui-même. C'est inquiétant qu'un texte d'il y a 300 ans ait trouvé moyen d'être plus politiquement correct qu'un film du XXe siècle. Alors, tout ça, c'est hier dans le caractère de Jasmine, mais à bien y réfléchir, c'est vraiment très out of character pour Jafar aussi. Et franchement, à tous ceux qui en sont fans, est-ce que vous trouvez qu'il soit très reluisant dans cette scène? En tout cas, pas moi. Enfin, je conteste pas sa place de grand méchant, son charisme lui vaut bien, enfin, de ceux qui caracolent en tête avec Maléfique et Cruella. On attend d'un méchant qu'il tue, vole, manipule, complote et trahisse. D'ailleurs, il a fait tout ça. Mais il y a des limites à ne pas franchir, comme le meurtre d'enfant ou le viol. En tout cas, dans une œuvre tout public, de sembler être prêt à le faire. C'est là qu'on franchit la ligne du « on adore le détester » à « on le déteste », tout court. C'est un sale con ! Et le climax fait que pour moi, il y a toujours un truc qui me bloque avec Jafar et qui n'est pas mon méchant préféré. Sa décision d'épouser Jasmine pour obtenir le pouvoir, c'était très politiquement incorrect. Mais tant que ça n'était motivé que par de l'intérêt, ben pourquoi pas ? Tout au long du film, on nous rendait vraiment très clair le fait qu'il a détesté par ailleurs. C'était bien joué, ça marquait un contraste avec le méchant précédent, et Gaston, qui lui était principalement motivé par son attirance envers Belle et le fait qu'il avait tout, sauf elle. Jafar, lui, il manque encore des tas de choses, et la princesse, bah, il pense avant tout que c'est une mégère, il le dit d'ailleurs. Il est même choqué quand Iago lui suggère, mais l'idée vient de lui à la base, d'épouser la princesse pour quand même obtenir le trône après la perte de la lampe. Ensuite, il ne voit pas d'inconvénient à débarrasser d'elle en la poussant, elle et son père, d'une falaise, c'est la toujours suggestion d'Iago. Donc, clairement, Jasmine est alors un moyen et pas une fin. L'animosité est d'ailleurs largement partagée. Jasmine ne fait pas mystère qu'elle veut se débarrasser de lui, et toujours on la voit se dégager rapidement avec beaucoup de dégoût quand il ose la toucher. Après qu'il lui a annoncé qu'il est soi-disant exécuté Aladdin, ce qui n'est pas vrai, quand il présente ses excuses après cet épisode, ou qu'il arrive en disant qu'il veut l'épouser après avoir hypnotisé son père. À chaque fois, c'est... il recule directement. Alors, c'est très vite rendu évident qu'elle ne partage pas la confiance de son père envers son vizir, mais après la prise de pouvoir de Jafar, le fait qu'il ne la tue pas, mais qu'il garde en vie pour les tourmenter les membres de la famille royale, ça montre vraiment une volonté de revanche. Et qu'à voir ce qui arrive à Jasmine, qui est tellement indépendante, libre d'esprit, qui est mise dans la position dans les habits d'une esclave par celui qui a toujours détesté être à son service et à celui de son père. Pourtant, juste après vient la, disons, on va dire la demande en mariage, que rien ne justifie plus parce que Jafar a déjà le pouvoir. Ah ouais, donc là tout de suite on voit avec un autre regard les habits révélateurs qu'il vient de lui attribuer. Et franchement, c'est très malaisant. Ajoutez-y, parce que proposer ne suffit évidemment pas. Il y a un nom qui vient. Son idée de troisième vœu, que la princesse tombe amoureuse de lui. Alors, Jafar se sera-t-il habitué à ce point à l'idée d'épouser Jasmine? Eh ben, c'est très, encore une fois, out of character. Parce que 5 minutes après, il n'hésite pas à vouloir la tuer, donc dans le sablier. Donc là, c'est plus tel qu'on connaît. Tout comme c'est signalé dans les commentaires de TV Trop, il avait de nombreux défauts, mais la luxure n'en faisait pas partie jusqu'alors. Puis je trouvais que ça faisait répétition facile, donc du Villainous Crush, comme on dit, de Gaston, après La Belle et la Bête. Dans ce cas, vous demandez si j'ai aussi été choqué par Claude Frollo dans Le Bossu de Notre-Dame ? Ah ben beaucoup moins. Pour plusieurs raisons. D'abord, chez lui, être libidineux, ça ressort pas sans crier gare au bout de 50 minutes. Et puis, d'abord, Esmeralda, la femme qu'il harcèle, c'est clairement une adulte. Ensuite, il est terrifié et dégoûté au départ par cette attirance, même si c'est évidemment pas par respect des femmes, mais par racisme. Et enfin, Frollo n'obtiendra jamais rien d'elle, même en faisant semblant, puisque son « moi » ou le feu se verra opposer, comme je l'ai dit, une forme de refus des plus vigoureux. Jafar, en outre, d'habitude, il brille par son intelligence, ça c'est indéniable. Il en faut pour comploter, et c'est sûrement pour ça qu'il traite le sultan de « demeurer congénital ». Mais franchement, dans cette scène, il semble avoir perdu au moins 20 neurones pour marcher là-dedans à fond. Est-ce qu'il croit son vœu exaucé ? Bon, ça, je vous l'accorde. Mais franchement, avant, je veux dire avant, quand il fait sa demande, et que se faire arroser au Beaujolais n'était pas une réponse optionnelle possible pour lui, eh ben je rappelle, à ce stade, et dans l'ordre, tout ce qu'il vient d'infliger à Jasmine, bon, en plus, qui sait qu'elle le détestait avant même tout ça. Alors, que lui a-t-il fait ? La déchoir de son trône, lui révéler brusquement que l'homme qu'elle aime n'est en réalité pas éligible au mariage avec elle, le tuer, enfin apparemment. Torturer son père sous ses yeux, la mettre dans des habits de travailleuse du sexe et la réduire en esclavage, elle, si haut placée et si fière et libre d'esprit. Ah ! Et vient de lui cracher dessus aussi. Non mais non ! Crache dessus maintenant ! Tu peux peut-être pas ça ? Quand je vous disais qu'elle prenait cher, sincèrement, il s'attendait à quoi là comme réponse ? Je veux dire, je veux bien que le pouvoir monte à la tête et change justement donc en demeurée congénitale aussi, mais pas autant. Sa proposition, et surtout son troisième vœu, n'aurait fait de sens que dans un cadre, si Jafar avait aussi gardé Aladdin comme prisonnier, au lieu de l'expédier à l'autre bout de la terre. Et s'il l'avait obligé à regarder tout ça ? Oui, ce niveau de sadisme, ça ressemble bien à Jafar, un sort qui est pire que la mort pour son ennemi juré, que de regarder notre grand méchant, alors ouvrez les guillemets on va dire, posséder son grand amour sous ses yeux. La preuve, dans le retour de Jafar, le plan diabolique de celui-ci va reposer en grande partie sur le fait qu'Aladin se croit trahi par la princesse. Mais là, certains ont avancé que même s'il croit Aladin mort à ce stade, Jafar cherche en quelque sorte une forme de revanche post-mortem, donc en possédant, on va dire, y compris en esprit, la fiancée de celui-ci. Mais je crois pas, parce que le supplice de Candaule, ça ne fait sens que lorsque celui qu'on dépossède est là pour voir ça. Donc c'est vraiment dépourvu de sens, enfin scientifiquement parlant. Et Candaule, c'était un roi célèbre pour que sa femme se fasse mater par d'autres hommes. C'est un problème psychologique un peu particulier, voilà. Le vrai responsable de toutes ces incohérences, donc, à la fois à l'encontre du caractère des sentiments de l'histoire personnelle de l'héroïne et des motivations initiales du méchant, eh ben, c'est le male gaze. Même si c'était pas conscient, enfin du moins je l'espère. Male gaze signifie regard masculin. Alors bien sûr, ça désigne pas une action tellement simple et répétitive qu'un personnage masculin qui aperçoit une femme au cinéma, ça c'est rien. Mais ce n'est même pas non plus ce regard appuyé d'un protagoniste mâle vers celle par qui il est attiré ou longing look. Parce qu'il y en a eu, donc, y compris dans Aladdin d'ailleurs ou dans d'autres classiques de cette période. Rappelez-vous par exemple, quand Aladdin la voit pour la première fois, ou quand elle retourne dans sa chambre alors qu'il est toujours à côté au balcon. Ou encore, juste après ce rêve bleu, quand ils sont sur le toit en Chine, qui la regarde, c'est ça, c'est le longing look. Puis il y en a eu dans d'autres classiques, je l'avais dit, donc pareil, la scène de dîner chez le prince Eric, quand il regarde Ariel, ça le rend passablement distrait, on va dire. Ou la scène supplémentaire qu'on a retournée dans La Belle et la Bête pendant l'édition spéciale, donc qui n'était pas dans le film original. C'est pendant la chanson Humain à nouveau que la bête écoute Belle lui raconter Roméo et Juliette. Il y a le longing look aussi. Donc ça c'est quelque chose de plutôt innocent, c'est un non-dit qui est destiné à nous faire comprendre les sentiments, donc en tout bien, tout honneur, d'un héros envers une princesse. Alors le trope du male gaze, non proprement dit, c'est quand, et dans un film non pornographique j'entends, la caméra s'attarde sur les, disons, parties intimes d'une femme, comme son décolleté ou que ça remonte le long de ses jambes. À moins qu'on voit, et cela sans la moindre utilité scénaristique, une femme sous la douche ou en train de s'habiller, donc en sous-vêtements. Au moins. Alors, la scène aurait été la même si elle était déjà habillée, mais la réelle utilité de tout ça, c'est le fanservice, c'est-à-dire faire plaisir aux spectateurs concernés. Parfois, on nous montre le personnage masculin qui la regarde, donc de façon nettement plus libidineuse cette fois, vous aurez compris. Parfois même en nous jouant un air de saxophone miringard. Mais qui est un observateur, ou pas d'ailleurs, la caméra, elle imite vraiment parfaitement le regard d'un homme hétérosexuel et mature envers l'actrice. Pour vous donner une idée, vous prenez le film The Mask, toujours. Franchement, l'arrivée de Tina Carlyle dans la banque, la première fois qu'on la voit, c'est exactement ça. Vous avez compris la tête que font les hommes qui regardent et... l'air de saxophone, quoi, la caméra qui remonte le long des jambes et tout. Ou, pire encore, le film Basingstoke. Ouais, c'est ça, Sharon Stone qui écarte les jambes, quoi. Le problème, c'est que dans un public potentiel, il y a aussi des enfants, des femmes, des hommes gays. Enfin, autant d'exclus de la scène, quoi. C'est pourquoi le trope est fait polémique aujourd'hui. Il objectifie l'héroïne, il suppose que tous les spectateurs sont tous des hommes hétérosexuels par défaut. Mais bon, dans un film pour enfants, ça devrait être exempt de ce genre de choses. C'est pas le public visé. Eh bien, en théorie, oui. Seulement, dans La Reine des Neiges, souvenez-vous, à la fin de Libéré-Délivré, Elsa roule des hanches en jupe fendue, vraiment comme si elle était pas seule. Oui, c'est ça, en fait, elle est pas seule, et on la voit, et d'accord, ouais, c'est du male gaze aussi. En fait, dans la pratique, c'est compliqué. Il y a pas mal de films qui sont faits par des hommes hétérosexuels et adultes, donc ça influence leur façon d'écrire et de filmer. Et Aladdin est dans ce cas. La seule femme avec un rôle important dans le staff, c'était la productrice, Amy Pell. Et d'ailleurs, c'est à elle qu'on doit le caractère indépendant de Jasmine. Alors, il faut voir, je crois, un bonus parental vraiment pur et simple aux deux scènes où Jasmine joue à la guicheuse. D'autant que la deuxième a un costume qui amplifie encore le côté rince-œil, ou eye candy en anglais. Et ce trope, vraiment très redouté par moi, est celui du gogo-esclavagisme. Alors il se produit quand, dans la fiction, un personnage féminin est capturé et qu'on l'oblige à changer de vêtements, afin de faire comprendre que son ravisseur peut vraiment faire d'elle ce qu'il veut. Alors, dans sa version la plus soft, c'est une femme qui est très guerrière ou très destroy, qui se retrouve dans une belle robe. Xena, dans un épisode de Xena la guerrière, se retrouve comme chasse chez Arès, elle a plus son armure, mais une longue robe rouge. Dans Wakfu, il y a Evangeline, qui est l'archère. Alors d'habitude, pareil, elle a une armure, mais là, quand elle est capturée par un vampire, elle est dans une longue robe blanche. Il y a Sam dans Danny Phantom, qui est gothique, donc avec des rangers et tout. Mais quand elle se fait capturer par un fantôme qui veut l'épouser d'ailleurs, elle a une robe rose. Alors, sur un style beaucoup plus tendancieux, hélas, il y a aussi l'idée de mettre une femme innocente et chaste dans des habits de vamp. Alors, dans le film Legend, il y a la princesse Lily, d'habitude, qui est en blanc. Mais quand elle est capturée par le Seigneur des Ténèbres, elle est dans une robe gothique noire qui est décolletée jusqu'au nombril, on peut dire ça. Et dans Code Geass, alors le personnage de Nunali, qui est la petite petite invalide en fauteuil roulant. Alors, elle, sa couleur, c'est plus le rose. Mais quand elle se fait donc capturer et enchaîner, on la met dans une robe rouge, par contre, qui est d'ailleurs bien moins couvrante. Mais le pire du pire, à mon avis, c'est quand une femme indépendante, forte d'esprit et haut placée, est mise dans un costume minimaliste d'esclave sexuel, histoire de la faire dégringoler sur tous ses points. C'est vraiment la version la plus dégradante du trope. Alors les occurrences, heureusement, en sont très rares, il y a deux qui sont très connues. Jasmine et Leia dans Le Retour du Jedi. Alors la troisième, elle est vraiment très obscure, en revanche, c'est le comic Thundercat The Return, donc 5 numéros en 2005. D'ailleurs, ça concerne plutôt une femme au background guerrier, comme j'ai décrit au tout début. C'est une suite au dessin animé Cosmo Cat. Donc 5 ans après la série, Mamra, le méchant, l'est gagné, ben oui. Starion, le héros, lui, l'est porté et disparu. Et les Cosmocats restants étaient réduits à l'esclavage, travaillent dans des mines. sauf les jumeaux Willy Kit et Willy Cat qui avaient une douzaine d'années dans la série d'origine. Mumra, il avait gardé à ses côtés Willy Cat comme esclave personnel et sa sœur comme une esclave sexuelle. Et si vous faites le calcul, ils ont 15 à 17 ans. Avec les fringues qui vont avec, c'est-à-dire que Willy Kit, là, comme Leia, le bandeau soutien-gorge, le pan qui tombe devant, les chaînes au poignet, et il y a même un bracelet torsadé. Donc ça doit vous rappeler quelque chose. C'était tellement navrant que la moitié de cette histoire, c'était Mamora qui joue à 50 nuances de gris avec Willy Kit. C'est ce qu'ils disent en tout cas sur le site Crackhead, qui apparaît de cette BD comme l'une des suites les plus invraisemblables d'un dessin animé. Alors la publication s'est arrêtée au 5e tome du coup. Les volumes sont considérés comme non-canon, et il y a un autre comics qui raconterait la suite de l'histoire, Thundercat Dog of War. Donc là, c'est le contraire. Mamora est portée disparue. C'est Starlion qui règne sur une joyeuse utopie, puis Willy Kit et Willy Cat ont été rhabillés. Ils ont des costumes assez semblables à ce qu'ils avaient quand ils étaient enfants. Et Willy Kit a beaucoup moins de poitrine. C'est pas un hasard, je pense. Alors le gogo esclavagine, est-ce que c'est un bon moyen de nous montrer la perversité d'un méchant? Oui. Mais la dégradation d'une héroïne forte, c'est pas une vision réjouissante pour autant, pour moi. Enfin, surtout quand c'est une héroïne d'enfance qui est représentée subitement de cette façon. Parce que croyez-le ou non, fut un temps, Star Wars était un film perçu comme étant pour enfants. Le genre SF, c'était comme ça déjà, mais aussi parce qu'il y avait une princesse, un gros monstre poilu, un grand méchant, des figurines Kenner, enfin n'en jetez plus quoi. Vous faites un bond en avant de 6 ans dans le temps, et les gamins qui jouaient avec les figurines Star Wars en 1977 étaient adolescents, en tout cas s'en approchaient, à la sortie du Retour du Jedi en 1983. Disons que leur prise en maturité a été comptée, enfin concernant le point de vue sur Leia bien sûr. Carrie Fisher a décrit un très embarrassant tournage avec les caméramen qui avaient, selon elle, une vue imprenable sur la Floride. Fin de citation. Et je vous laisse deviner ce qu'elle voulait dire. Alors, Willy Kit, elle passera elle aussi du statut d'une héroïne d'enfance chère à Hey Candy pour les fans qui ont grandi. D'autant que dans son cas, c'était 20 ans qui s'étaient écoulés. Franchement, c'est d'autant plus triste que personne n'a l'air d'avoir songé aux filles qui les avaient pour rôle modèle. Alors, Leia Esclave, ça reste un cosplay très populaire parmi les femmes qui aiment Star Wars, mais toutes les fans féminines n'aiment pas forcément s'habiller comme ça. Certainement, il y a eu des jeunes filles qui avaient aimé le premier film dans leur enfance, mais elles n'ont pas été prises en compte parce que la cible était les jeunes garçons. Mais sans doute qu'elles avaient Leia pour héroïne, et la scène chez Jabba a dû les faire sursauter. Alors ceci étant dit, avec Jasmine, il y a quand même deux différences avec ces exemples. D'abord, c'est à sa première apparition qu'elle va subir le costume embarrassant, comme si le fait que des adultes regardent aussi les grands classiques Disney ça avait été pris en compte. Puis on dira sûrement que ce costume semble taillé pour l'hiver, enfin comparé à Leia et Willy Kit. Plus précisément que c'est une version rouge de son costume habituel, mais avec un haut remplacé avec un soutien-gorge. C'est que ça à première vue. C'est vrai que le public familial impose quelques restrictions, sans quoi le costume, je crois qu'il aurait plus ressemblé effectivement à celui de Leia, non seulement avec le soutien-gorge, mais avec un petit pagne et peut-être la chaîne au cou. Et pourtant, et sans en arriver jusque-là, dans les limites de ce qui est permis, le costume de Jasmine est quand même sans ambiguïté dans son message, je trouve. Il n'y a pas de manches par rapport à d'habitude. Bon, apparemment, c'est pas grand-chose. Seulement, ça reste du tissu en moins. Et le rouge est tout sauf innocent. Je cite, coïncidence, Robin Williams dans le film Madame Doubtfire. J'ai la couleur traditionnelle des péripatéticiennes. On retrouve cette thématique avec Nunali qui est réduite en esclavage. D'ailleurs, si vous m'avez suivi, elle est en rouge. Et vous êtes jamais demandé pourquoi les princesses Disney n'en portent jamais, tout du moins en total look, mais les méchantes, oui, comme Madame Medusa et Mère Gothel, ou les héroïnes sexy, comme Jessica Rabbit. Ce sont plutôt toutes les choses qui, on va dire, sont en plus, qui donnent l'aspect lubrique à l'ensemble du costume sur Jasmine. Déjà, le bracelet Cobra la désigne un peu comme la chose, on va dire, d'un homme qui a cet animal pour emblème. Puis encore une fois, il y a le rouge, c'est aussi sa teinte de prédilection. Ah, et puis les chaînes, malgré qu'elles apparaissent brièvement, puis qu'elles sont au poignet. Alors apparemment, c'est moins pire qu'au cou, comme dans le Retour du Jedi, et comme dans Thundercats The Return aussi, mais elles ont la même utilité dans tous les cas. C'est-à-dire faire venir la captive en tirant dessus façon laisse avec un animal. Et souvenez-vous, le tout début de la scène, elle a tiré sur la chaîne avec son sceptre en l'occurrence. Disons que ça rappelle certaines pratiques dont je parlerai pas parce qu'il y a peut-être des enfants qui écoutent, mais enfin bon. Entendons-nous bien, je vais pas faire mon Hélène Lovejoy, ça ne saurait pas m'être plus égal. Une femme qui s'habille comme ça dans la fiction, si c'est son choix. Comme déjà Tauris dans John Carter, Sexy dans L'Enfeust, ou Kida, toujours chez Disney, dans Atlantide. Vu qu'elle connaît la bonne réponse, un abus verbal. La taupe qui lui susurre « I want your sex » à l'oreille, ça lui voit un coup de poing dans la figure. C'est la bonne réponse. Bon, je vais pas partir sur le fait que, en fait, c'est le designer souvent masculin qui veut qu'elle s'habille comme ça, mais si elles ont l'air de trouver ça normal, pourquoi pas? En revanche, une femme visiblement saoulée, indignée et dégoûtée d'être mise là-dedans, vous trouvez vraiment que c'était indispensable? C'est vrai, Léa ne sourit pas de toute la scène. Et quand Jasmine le fait, ben c'est fin. Franchement, est-ce que je vois le mal partout en me disant que ces scènes où Jasmine drague se fut seulement fait à des fins émoustillantes, et inconsciemment j'espère, j'ai peur d'avoir raison, oui. Enfin, je veux dire, si vous trouvez que ça la rend charmante et tout, mais en fait, je pense plutôt que c'est parce que vous, vous trouveriez charmant qu'on vous parle comme ça. À chaque fois, au début de chaque séquence, le spectateur, il est littéralement mis dans la peau de celui qui la regarde, la caméra qui épouse le malgaz à chaque fois qu'elle commence. Franchement, ça se voit en raison d'un paradoxe, et il interrompt totalement la suspension d'incrédulité, selon moi. Le fait est que, la deuxième fois, il n'y a vraiment aucune hésitation visible. Le médium animation, ça suppose pourtant des émotions, des réactions qui sont exagérées. Le fait de s'adresser à un jeune public, la grammaire filmique, ça rend d'habitude vraiment clair les intentions et les pensées des personnages. Même quand ils mentent, qu'ils font mine de faire quelque chose ou qu'ils agissent contre leur gré. Voire ils font les trois à la fois. Alors dans ces cas-là, l'hésitation est toujours visible. Il y a un mouvement de recul, un débit de parole mal assuré, un sourire crispé, un regard qui est fuyant ou qui est terrifié, un discours qui est mal construit, des frissons, de la sidération, du tic nerveux. Vraiment, en gros, tout ce que fait Alana dans la scène où il donne de fausses informations sur son passé. Même dans d'autres films, Mulan qui fait semblant de se présenter comme garçon, Sébastien qui prétend qu'il sait pas pourquoi Ariel est distraite à son père. Voilà, c'est ça. Mais dans cette scène-là, Jasmine, elle est vraiment trop bonne comédienne. Il y a le texte qui n'a aucun sens. Remarquez que ça marche face à un méchant qui a l'air d'avoir perdu des neurones. Mais à part ça, y a le discours qui est délivré de façon tellement fluide, on croirait que c'est lu sur un prompteur et qu'il n'a pas l'air improvisé du tout. On remarque aussi qu'au tout début, quand elle se redresse, elle avait un foulard sur elle. Je sais pas qu'elle a soudain grippé dans la scène d'avant sans utilité. Il tombe quand elle se redresse. Ça n'a absolument aucune utilité scénaristique, sauf... Ouais, vous aussi vous avez pensé. C'est un côté striptease subliminal quand même. Puis elle a la gestuelle vraiment du tout début à la toute fin qui ne trahit absolument aucune arrière-pensée. Je veux dire, elle avance au lieu de reculer, le sourire a l'air sincère, il n'y a pas de peur, pas de haine au fond du regard. Vraiment, il y a zéro hésitation, vraiment de bout en bout. Un spectateur qui ne connaît pas le film qui prendra en route à ce moment-là, il pourrait vraiment se méprendre, il pourrait croire que Jasmine est consentante. Et tout ça alors qu'elle est même censée s'adresser à un homme qu'elle est, et alors que Aladdin peut la voir et l'entendre. Ça pourrait pourtant constituer une excellente raison d'avoir des scrupules. De scène pour nous faire avancer le scénario ou quoi. Non, franchement, il y a l'art et la manière, quoi, je veux dire. Je remarque que quand je suis pas impliqué émotionnellement avec les personnages comme dans The Mask, ça me fait pas d'effet. Et même si je suis impliqué, je veux dire, si c'est selon comment c'est fait, ça ne va pas me choquer. Par exemple, j'ai Superman et Lois Lane comme OTP aussi, mais dans le film d'animation Doomsday, donc... le premier qui raconte la mort entre guillemets de Superman, parce que bon, il n'est pas vraiment mort. Dans ce film d'animation là, qui est d'ailleurs pour un public bien plus mature, il y avait ce genre de scène, mais c'était. On va dire c'est au niveau des détails que ça passait nettement mieux, que j'ai pas été choqué. C'est-à-dire que Lois, qui soupçonne qu'il y a un truc pas clair donc avec le corps et avec Lex Luthor, elle va chez Lex Luthor, mais elle ne cherche absolument pas à faire du rentre-dedans et pour une bonne raison. Elle aurait trouvé sa louche parce qu'ils sont ennemis. Non. À la place, elle va se mettre à pleurer. C'est une autre forme de vulnérabilité chez la femme, mais toute façon, ça fonctionne aussi très bien et beaucoup mieux d'ailleurs. Elle pleure parce qu'elle dit, écoutez, qu'il soit mort, moi ça me dévaste et tout. Et là, il comprend, l'ex-tuteur, ce qu'il ne savait pas jusqu'ici, ah, mais vous étiez plus que des amis alors. Et elle dit, c'était ça, oui. Bon, il ne savait pas jusqu'ici. Il dit, d'accord, mais comme il a toujours été attiré par Loïs, il dit, ne vous inquiétez pas, hein, le chagrin, moi je vais vous faire passer. Alors, il roule une pelle. C'est vrai qu'elle se défend pas, moi ça je me dis, ah, c'est là qu'il y a un truc qui va pas, enfin, quelque chose qui cloche, il y a un coup fourré, parce que tel que je la connais, elle lui aurait déjà envoyé un coup de genou là où je pense. Effectivement, il y a un coup fourré, elle profite qu'il soit assez près pour lui planter une seringue hypodermique dans le cou, donc l'ex est KO, et en fait c'était ça la ruse, c'est comme ça, Loïs peut entrer avec Jimmy Olsen et photographier le sous-sol où effectivement il y a pas mal de clones de Superman. Prouver que... on a profané son corps comme il pensait. Alors pourquoi là ça me choque pas? Plusieurs raisons. La toute première, c'est que, comme j'ai dit, il n'y a pas de numéro de séduction façon entraîneuse, elle cherche une autre façon, d'ailleurs plus crédible, de s'introduire, elle montre son chagrin. Ensuite, c'est pas elle, c'est l'ex qui prend l'initiative de rouler une pelle, c'est vrai que c'est plus vraisemblable. Son seul tort, entre guillemets, c'est que Loïs se laisse faire, mais c'est pour une bonne raison. Ensuite, ça marche, sa ruse fonctionne, ça c'est encore un truc qui fiche en l'air avec Aladdin, mais je vous expliquerai pourquoi. Et puis les personnages sont adultes, et puis Superman qui est comateux est pas là pour voir ça. Heureusement d'ailleurs. Et pour finir, bah, après que ce soit fini, que Lex soit KO, Loïs, elle fait comme ça, alors elle recrache tout. C'est important pour moi, voilà, qu'on comprenne que c'était pas une partie de plaisir. Même si ça a marché, voilà. Alors au contraire, dans Aladdin, comme il n'y a rien de tout ça, je dis qu'on pourrait croire, limite, qu'elle est consentante, et ben la suspension d'incrédulité, ça tombe, quoi. Ça va à l'encontre du caractère de Jasmine qui est tellement farouche et qui est tellement écœurée par le moindre contact physique avec Jafar d'habitude. Pour dire à quel point on peut être confus, franchement, moi quand j'ai vu le film pour la première fois quand j'étais enfant, j'ai cru qu'on allait découvrir que le troisième vœu avait fonctionné quand même. Alors qu'il y avait une forme d'hypnose qui était impliquée, peut-être avec le sceptre qu'on n'avait pas vu, enfin quelque chose comme ça. Alors, pourquoi avait pris le risque de ficher en l'air la suspension d'incrédulité? Eh bien c'est parce que l'utilité réelle de la scène, c'est pas de faire avancer le scénario, comme dans Doomsday, ça n'a pas marché. Non, c'est de s'imaginer que Jasmine s'adresse à soi de cette manière. Donc, sans hésitation visible, pour pas couper l'excitation. C'est le principe du fanservice. Bon, avouez, vous avez dû être nombreux à y penser, messieurs, ou même mesdames, car si j'en crois le site Mademoiselle, avec un Z, il y a aussi des femmes que la scène excitée. Alors, il s'agit, sur Mademoiselle, donc, du site 4 trucs innocents sur lesquels on s'est masturbé avant Internet, par Queen Camille. Ah, bon. Alors, entre autres, le pari, pourquoi pas, les Sims, Buffy, et donc Aladdin. Alors, elle parle plutôt de la... une rédactrice, Mimi, parle plutôt de la scène de l'enlèvement. Ça, c'est encore un truc, on va dire, un peu contentieux. Mais, Queen Camille elle-même, donc la rédactrice, précise... Le moment qui m'émoustillait à tous les coups était celui où Jasmine prend une voix de chagasse pour distraire Jafar pendant qu'Aladin vole la lampe. Et juste avant cette scène, elle est retenue prisonnière, attachée par des chaînes au poignet. C'était quand même vachement BDSM, Aladin, avec le recul. Fin de citation. Et malheureusement, elle a pas tort. Alors... C'est encore que, si on tient compte du fait qu'aujourd'hui, cela implique une fille d'une quinzaine d'années, eh bien ça me refroidirait beaucoup à votre place. Shame. Shame. Shame. Mais moi tout ça, je l'ai pas ressenti de cette façon, mais pas du tout. Franchement, laissez-moi vous expliquer à quoi ça ressemblait quand on était une petite fille. Ou en tout cas, une petite fille comme moi. Il y a de l'empathie, forcément. Parce qu'on se sent dans la peau de la princesse. C'est du champ contre champ. Donc on voit parfois ce que Jasmine voit aussi. C'est-à-dire Jasmine qui va droit vers elle, avec sa tête de prédateur. J'en ai fait des cauchemars, mais réellement, quelques cauchemars, quoi, pour de vrai. Puis en plus, il la traite de Pussycat en VO. Donc franchement, c'est pas le respect qui l'étouffe. Sachant que, littéralement, c'est Minette. C'est un peu un équivalent à mon chou, mon cœur, ma chérie. Bon, déjà, c'est. Ça induit, on va dire, une proximité qui est forcée. Mais aussi, souvenez-vous, c'est comme en français, en fait, minette, c'est un double sens. Donc, pussycat, c'est aussi le... enfin, la partie intime des femmes, quoi. Voilà. Et là, franchement, pour moi, en tout cas, il n'y avait qu'une envie qui vient, c'est fuir, quoi. C'est vraiment tout sauf émoustillant. Je veux dire, autant se faire assaillir par des cloportes, à mon avis. Mais vraiment, le pire en la matière, c'était la fin de la scène et... ouais. Bon, personnellement, là, c'est là que j'ai rendu tous mes michocos. Il n'y avait pas de pop-corn au cinéma à l'époque. Et franchement, ce qui peut être admis d'une chanteuse de cabaret, c'est inadmissible de la part d'une héroïne Disney et totalement indigne d'une princesse Disney. Et encore. Dans les films qu'on dit soi-disant plus matures, mais même les chanteuses de cabaret qui font pourtant leur job, elles peuvent avoir des scrupules à se laisser tripoter par un autre. Vous prenez El Tango de la Roxane dans Moulin Rouge, c'est exactement ça, quoi. Oui, normal, Satine qui va se faire tripoter par un client, mais... Don't deceive me, ne me trompe pas, dit la chanson. Même si elle le fait sans conviction. C'est pour ça qu'elle renonce, d'ailleurs. Oui, tout ça, c'est important, les enfants. Franchement, croyez-en celle qui fut la quintessence des princesses Disney, Gisèle y était une fois. C'est pas pour rien qu'elle chante que le fait qu'il est essentiel dans son monde, être embrassé par la bonne personne, sans quoi elle aurait jamais été tirée de son sommeil de mort. C'est même tellement important dans son univers que Gisèle est très choquée rien que par le fait qu'on s'imagine qu'elle est embrassée le fiancé d'un autre. Sauf que maintenant, elle s'est mise en tête que vous et moi, on s'était... embrassé. Quelque chose comme ça, oui. Dans son univers, c'est l'équivalent de... Oula. C'est comme si Jasmine avait... Ouf, au secours. Et puis, il était une fois sorti 15 ans après Aladdin, quoi. Je veux dire, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, ça n'a pas ouvert de brèche. Il n'y a pas d'héroïne Disney portée sur la séduction par la suite. Enfin, sauf Meg, qui était établie et sortie avec deux hommes. Mais bon, là aussi, elle va rester la seule. Alors, dernière bonne raison d'enrager. En plus, tout ce plan échoue. Et oui, tout ça pour rien. Quand ça marche comme dans The Mask, ben je suis pas ravie, mais ça a au moins servi à quelque chose. Puis Leia esclave, au moins elle aurait réussi à utiliser ses chaînes pour tuer Jabba. Elle le punit par où il a péché, en quelque sorte. Et là, non, hélas. Alors, ça semble peu, comparé à tout ça, mais histoire d'arracher le peu de dignité qui restait encore à Jasmine, elle échoue, encore en parenthèse, à prendre sa canne à Jafar et puis aussitôt après à se saisir de la lampe. Et elle finit dans le sablier géant en devenant une damoiselle en détresse, histoire de couronner le tout, à l'air de dire « Non mais regardez, quand on laisse sauver le monde aux femmes, elle rate à chaque fois. » Alors, je sais, climax, tension dramatique, bien sûr, c'est un sacré suspense de l'avoir risqué une mort lente. Mais qu'elle n'essaie même pas de s'en sortir, ce n'est pas vraisemblable. Ce n'est pas Aurore. Et encore, si je dis ça, c'est méchant pour Aurore, elle était inconsciente que voulait au Caliphate. Bon, mais jusqu'ici, Jasmine, c'était à la fois une casse-cou et une prisonnière indocile. Puis là, plus rien. Alors, je sais, on va me dire, que veux-tu qu'elle fasse? Eh bien, un sablier est fait de verre, pas de métal ou de pierre. Tant mieux, parce que sinon, on ne verrait rien, et autant pour le suspense. Je sais, mettre un coup de poing dedans, ça peut exposer à une grave hémorragie. Oui, mais alors avec un coup de pied. Je veux dire, non sérieusement, avec des chaussures, et elle en a. Je vois pas ce qu'on risque. Enfin, du moins au début, quand il n'y a pas trop de sable, c'est jouable. Je me souviens que j'avais même fait un... strip là-dessus, mais en fait, il y avait même une autre solution. Il paraît que le scénario original prévoyait qu'elle s'enfuit en brisant le verre à l'aide du joyau de son serre-tête. Alors, on dit là, dans la scène finale, elle en a plus, non, mais je sais pas, il y a le bracelet, ce genre de choses. Mais comme on était encore à l'époque où il y avait simultanément encore pas mal de jeux vidéo qui tournaient autour d'eux, aller chercher la princesse, on voit un sauvetage qui est beaucoup plus classique et qui est visible dans le film. Alors quand je dis que Prince of Persia est sorti à la même époque, c'est peut-être pas une coïncidence. Songez que dans Prince of Persia, il y a même l'imagerie du sablier. Ma seule indulgence, on va dire, pour le climax dans Aladdin, ça provient du fait que, pour une fois, le héros ne s'en tire pas par la violence. Alors il essaye, mais inutilement. Contrairement à Philippe et à Eric, Aladdin ne tue pas le monstre, mais le vainc par la ruse. Et c'est plus son truc. Alors, il y en a eu du monde, hein, pour défendre la scène telle qu'elle est, pour m'assurer qu'elle était indispensable. mais j'ai bien peur de pouvoir débunker chaque argument avancé. Alors, les animateurs, pour commencer. Ils assuraient dans le DVD que c'était un sacrifice héroïque. Mais pour moi, un sacrifice, ça refait un caractère qui est noble et beau. C'est pas une vision de l'enfer qui file la nausée aux autres personnages comme aux spectateurs. Tout du moins à certains spectateurs. Est-ce que ça démontre le courage de Jasmine ? Non, pas pour moi. Je la trouve bien plus courageuse quand elle lance la coupe à la tête d'un homme qui peut pourtant la transformer en cafard instantanément. Et cela malgré qu'elle perde la dite témérité dans la seconde qui suit, et qu'elle réagit en mauviette à la menace d'un coup de poing, donc déjà damoiselle en détresse. Ah oui, c'est vrai. Il faut ajouter la menace de violence physique à la longue liste des abus de Jafar dans cette scène. Ah, tu peux biffer ma grille de bingo. Est-ce que ça prouve l'intelligence sous la ruse chez Jasmine ? Parce qu'elle comprend instantanément ce qu'il faut faire, ou ses talents de comédienne. Mais on avait déjà la démonstration dès le début du film, pendant la scène de marché, quand elle comprend très vite qu'elle doit feindre la folie, qu'elle le fait très bien. La scène ne sert qu'à mettre en scène des talents qui ne s'expliquent pas, vu son éducation, souvenez-vous. Est-ce qu'il est impossible de distraire Jafar autrement ? Eh bien, j'objecte, encore. Dans le roman alternatif Ce rêve bleu Twist Stell, le climax est différent. Cette fois, Jafar a pris le temps d'écouter le fait que les génies ne peuvent pas accorder l'amour. Donc Jasmine le distrait plutôt dans une discussion où il est question de ceci. Est-ce qu'elle ne pourrait pas se forcer à l'aimer ? Alors la réponse évidemment c'est non, mais elle explique qu'au mieux, elle ne pourra que faire croire aux autres que c'est le cas. Même dans La bande à Picsou, le trésor de la lampe perdue, le génie distrait un des méchants quand il remarque Picsou qui cherche à récupérer la lampe discrètement dans sa poche. Mais sans lui rouler de pelle, juste il attrape la tête de Dijon pour la tourner vers lui, c'est Dijon. Voilà. Alors ça vaut mieux, parce que dans cette version, le génie c'est un enfant. Donc conclusion, qu'on me raconte pas d'histoire, il n'y a absolument rien d'autre qui le justifie que le fanservice. Et tout le monde trouve ça très naturel ? Alors, à m'entendre déverser ma bile de cette façon, est-ce que j'aime le film Aladdin en fait ? Mais oui, je l'adore, tout en ayant cette scène que je déteste, c'est un paradoxe avec lequel je vis tant bien que mal depuis un quart de siècle, et je le résous toujours en appuyant sur avance rapide quand j'en arrive là. Je veux dire sans doute que les fans de Star Wars me comprennent si, eux aussi, et pour la même raison, ils peuvent pas supporter la scène chez Jabba, alors qu'ils aiment tout le reste. Et vraiment, pendant quelques temps, j'ai vraiment beaucoup redouté, évidemment, la recréation de cette scène dans le film live. Je veux dire, on peut le faire une fois, mais pas deux. D'autant que sur les réseaux sociaux, ça manquait pas de gens qui voulaient l'avoir recréé sans changer un iota. Sur Vitrop, ça c'était à quelques mois de la sortie, on prétendait que ce serait le cas. Et là-bas, aujourd'hui encore, il y en a toujours pour prétendre que le costume a été coupé en montage. C'est dangereux les obsessions. Alors j'ai fini par avoir des doutes, parce que quand même, il n'y avait rien d'autre que des photos truquées qui circulaient. J'ai vu quelques fanart, mais du dessin animé par contre, qui reprenait ce costume dans la version semblable à celle du film, mais bon, quand c'est du dessin animé, je dis ça peut pas être ça. Sinon, il y a une photo assez connue de Naomi Scott, donc avec effectivement un costume rouge et un bracelet, cobra, mais si on regarde bien, c'est repris de la couverture du magazine Entertainment, où elle était par contre avec le costume bleu. En fait, c'est une altération du costume bleu, total. Et il y avait effectivement donc que ça. C'est là que je me suis dit qu'effectivement, peut-être qu'en fait, non, ce costume n'a pas été recréé. C'était le cas. Parce que dans toutes les photos de la garde-robe de Jasmine qui avait filtré, Dieu sait si elle a des costumes, il n'y avait vraiment rien qui ressemblait au costume d'esclave. Il fallait voir les choses en face. Pour finir, la novélisation me l'a confirmé, le climax était totalement différent ici. Oui, la gigant délire, les enfants. Oui, j'aime bien la gigant délire. Bon, alors après les deux premiers vœux de Jafar, ce que porte Jasmine dans le film live ne change pas. Pas même dans la cérémonie de mariage forcé. Alors comme elle est en violet, j'ai pensé que c'était peut-être l'équivalent de la robe qui est violette aussi, mais claire, qu'elle porte dans le dessin animé juste avant le climax. Donc là, c'était comme si elle avait gardé la même. Et là, alors c'est presque trop dans le sens contraire en fait. C'est pas bien grave, bien sûr, mais vu la scène, j'ai presque pu imaginer qu'elle se retrouvait dans une robe de mariée qui préserve sa modestie, ça bien sûr, mais qui serait dans des coloris, dans le design, ça aurait quelque chose d'inquiétant en fait. Un peu comme la robe rouge dans laquelle se retrouve Lydia Dizzy dans Beetlejuice, donc pendant la cérémonie de mariage forcé avec le personnage titre. Comme j'ai dit, c'est en effet une cérémonie nuptiale imposée dans un unique but de tourmenter ses anciens supérieurs, que va organiser Jafar cette fois. Ah, il tente pas, avec son dernier vœu, d'obliger Jasmine à l'aimer, car la source de souffrance n'existerait alors plus pour elle. Donc en m'appuyant sur le roman Twist Tale, je me demande si le Jafar du live n'a pas fait le même calcul que celui de ce roman, qui savait qu'être le sultan en titre, ben c'est bien beau, mais qu'aux yeux du monde, et pour des raisons traditionnelles et légales, il valait mieux renforcer tout ça par un mariage avec la fille de celui qui était le dirigeant la veille encore. Encore une fois, il en avait l'apparence, mais la réalité n'est pas changée pour autant. Alors, Marwan Kanzari, c'est-à-dire Jafar dans le live, il n'est pas de cet avis, il a dit en interview qu'il pense que la version live couvait aussi une attirance, donc pour la princesse, mais que la quête de pouvoir ça lui a porté bien davantage cette fois. Ça se remarque vraiment pas beaucoup, enfin, sauf pendant la cérémonie de mariage, il fait ce qu'on appelle un villainous face hold, c'est-à-dire un geste où avec la main on oblige en fait un personnage de vous regarder dans les yeux. Et ben c'est déjà un geste malaisant, je pense, pas besoin d'en faire plus. En fait, rien qu'un mariage forcé, je trouve que c'est déjà tout à fait scandaleux. Enfin, surtout quand on sait ce que des liens conjugaux impliquent. Voilà, la nuit de noces, quoi. Alors, en dépit du fait que Jasmine soit cette fois majeure, c'est-à-dire que Naomi Scott avait 25 ans et une tête à les avoir, et qu'il n'y a plus qu'une quinzaine d'années à tout casser entre elle et Marwan Kanzari, ça rendait plus acceptable légalement. Mais une femme dans une union forcée, ça reste néanmoins inadmissible. Je trouve que ça restait un climax qui était tout à fait terrible au niveau du suspense. C'est-à-dire que dans le manoir hanté, les 999 fantômes, par exemple, il y a la pauvre Sarah Evers, donc pour préserver la vie de ses enfants. Dans le climax, elle doit accepter un mariage avec le fantôme d'Edward Gracie. Alors c'est un twist inhabituel dans ce genre d'histoire, Edward la croit consentante. Le tout, c'est une ruse de Ramsley qu'elle met d'hôtel. Mais c'est juste visiblement intenable pour Sarah. C'est intense aussi la tête que fait Victoria dans les noces funèbres, pendant la cérémonie de mariage qui est contrainte, avec Lord Barkis. Donc oui, pour moi, ça reste une épreuve suffisante, il n'y a pas besoin de prétendre être attiré par le méchant. Au niveau de la demoiselle en détresse, on va me dire que sa tentative de prendre la lampe et de fuir, ça échoue pour finir, encore une fois. Et c'est vrai. Mais cette fois-ci, on voit le couple, et non pas juste l'homme, tenter quelque chose. Et toujours pas vaincre par la violence, il n'a pas utilisé du tout cette fois. Alors après, Jafar use de télékinésie pour immobiliser Jasmine, mais en toute objectivité, là je vois pas comment elle a pu échapper à ça. Alors déjà dans Once Upon a Time, le sablier réapparaissait, mais il y a tout qui était très rapide, ce qui est paradoxal si on considère que ça s'écoule lentement d'habitude. Mais là, l'apparition, comme le fait que le sable atteint presque tout de suite son niveau maximum, bah là on s'étonne moins que Jasmine n'ait rien pu faire. En fait, est-ce que ça surprend encore quelqu'un que le climax n'apparaisse pas tel quel dans le remake? Alors Andreas Deja, qui était animateur de Jafar dans l'original, il s'exprime ainsi dans le livre des héroïnes Disney. La scène quand elle, donc Jasmine, est prisonnière, était franchement osée. Sans blague, en parenthèse. Tout cela sur des tons rouges de passion amoureuse. Je me demande si on pourrait s'en tirer aussi facilement aujourd'hui. Alors sachant qu'il exprimait ses doutes quand pour lui aujourd'hui c'était l'an 2000, 20 ans plus tard évidemment qu'on s'en tirerait encore moins facilement avec cette pensée de la femme exotique facile. Cela à l'encontre de son rang et de son éducation. Et qui est empreinte d'un reste de colonialisme très malvenu. C'est cette même progression des mœurs qui me fait douter que dans le futur remake du bossu de Notre-Dame, Frollo n'osera sûrement pas dire à Esmeralda qu'il imagine avec une corde autour du cou. Alors dans le même bouquin, Andy Gaskill, qui était le directeur artistique sur Le Roi Lion et Hercule, a dit « Jasmine est une héroïne un peu démodée. Elle est capable de se voir comme un objet sexuel et sait que c'est en tant que telle qu'elle peut contrôler les hommes. Une idée qui, je pense, rebuterait beaucoup de femmes modernes. » Fin de citation. Alors si avant l'an 2000, c'était perçu comme démodé à faire rougir Stanley, ça c'était dans la VO de l'épisode de recherche Xena désespérément, c'était ça que disait le vendeur de BD. Eh ben, c'est évidemment pas comme cela que la même héroïne allait chercher à contrôler les hommes 20 ans plus tard, mais en leur disant non. Et d'ailleurs, en parenthèse, Esmeralda qui va crier « Justice », ça, ça n'a pas changé, je crois. Alors, pendant la création d'Aladin version dessin animé, les personnages sont passés par diverses personnalités avant de trouver la bonne. Pour Jasmine, il y aurait eu une phase insupportable enfant gâté, puis jusqu'à ce que, sous l'influence partie de l'amie Pell et de la co-scénariste Linda Wolverton, d'abord elle devienne plus gentille, mais plus tard elle est aussi devenue plus affirmée. Alors une femme qui revendique la liberté de son choix, qui questionne la place qui lui est faite dans un monde patriarcal, qui n'a pas peur de dire ce qu'elle pense, bref, une femme forte. On peut supposer qu'avec le 21e siècle approchant, les réalisateurs se sont dit « Ok, pourquoi pas ?» Mais pour ce qui était d'une femme exotique, ça c'était nouveau à traiter, et c'était encore très influencé par les clichés hollywoodiens, notamment ceux des films qui ont servi d'inspiration, comme je le disais. À titre de comparaison, vous voyez Mordjan dans Alibaba et les 40 voleurs. C'est dans le conte, c'est une servante maligne sans qui Alibaba serait mort et enterré à la fin de l'histoire. Mais dans le film de 1954, donc celui avec Fernandel, elle est réduite à une potiche qui est quasi muette. Mais elle fera de la danse du ventre, rassurez-vous. Alors je dis pas qu'avoir une scène où Jasmine est sujette au cliché de la femme arabe allumeuse, c'était un choix conscient. D'après ce que j'ai lu, les réalisateurs ont grandi devant les films des années 1940, ça a dû dicter le choix artistique. En gros, c'est une idée induite par les hormones et la culture hollywoodienne classique, et qui susurre « Oh, une femme occidentale ne ferait jamais ça !» Donc l'honneur de nos spectatrices potentielles est sauf. Si une femme qui vient des mers du Sud use de ses charmes, il n'y a pas de problème. Et ça fait plaisir à voir. Sauf que ce côté aguicheuse s'ajoute à une personnalité farouche, explosive, très affirmée, et qui ne donnerait certainement pas sa main au premier venu. Vous trouvez pas que c'est paradoxal ? Ouais, c'est pas faux. On sent le carrefour d'influence. Et c'est intéressant, des années après, de voir comment se résout le paradoxe aujourd'hui. D'abord, et dans les années 1990, les classiques Disney avaient déjà une portée mondiale. Le public était vraiment tout horizon, et Aladdin, version animée, se sera parfois vu accusé de racisme, pour diverses raisons, et diverses scènes d'ailleurs, par le public arabe, y compris américain. Car, oups, on n'y pense pas toujours, mais une bonne partie des Américains sont en fait d'origine exotique, justement. Non, une princesse Disney officielle exotique, ça n'a plus rien d'exceptionnel, car près de la moitié d'entre elles le sont, avec Mulan, Pocahontas et Tiana. Il y a aussi d'autres héroïnes exotiques qui sont apparues entre-temps, comme Esmeralda, Kida et Vaiana. Comme souvent, quand l'exceptionnel devient une vision courante, on ne les juge plus à la couleur de leur peau, mais à l'aune de leur caractère, comme disait Martin Luther King. Elles ont des caractères très divers, du reste. Mais la lascivité n'en fait partie pour aucune d'entre elles. On peut même se demander si ce même cliché n'a pas été inversé par la suite. Navin, dans La Princesse et la Grenouille, ce sera le premier prince Disney avec un côté ouvertement séducteur. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, rien à voir avec ses origines. Flynn Rider, l'année suivante, il en fait autant, mais il est européen. Et sans surprise, en fait, la scène donc du climax n'a jamais été recréée nulle part, si ce n'est qu'il y a le sablier dans Once Upon a Time, donc. En fait, sur tous les autres supports, Jasmine n'a plus jamais tenté de séduire quiconque. Les suites en vidéo, la série télé, les specials à la télé, les livres, la version théâtrale, la comédie musicale, les spectacles, Once Upon a Time, et donc le remake. Jamais, je vous dis. On dirait bien que ce qui était censé être un réflexe très ancré n'a finalement pas été jugé essentiel dans sa personnalité. Courtney Red, alias Jasmine à Broadway, n'a pas de changement de costume au moment du climax. Elle passe une partie immobilisée avant que Jafar ne disparaisse, mais c'est vrai que c'est plus rapide. Jafar qui inspire à Jasmine version Karen David une telle terreur que l'idée de la manouée ne la traversera même pas dans la série Once Upon a Time. Alors même content de mid-sexe masculin, Jasmine cherche dorénavant à s'en débarrasser à coups de poing. Donc comme au tout début du Roi des voleurs, pour mémoire. Ce qui nous conduit, elle a beaucoup moins été sujette à la détresse aussi depuis. En fait, elle devient le vrai héros dans Once Upon a Time, en dépit du fait d'être d'abord une version qui est plutôt craintive. Dans cette série-là, Aladdin avait le rôle dit du sauveur, et pourtant il lui dit à la fin, c'est toi qui es le héros. Alors, dans la série d'animation en particulier, on a vu parfois Jasmine inversait les rôles classiques en matière de sauvetage. Dans l'épisode Le secret du roc d'acier, par exemple, c'est la dingue qui est kidnappée, c'est elle qui va le chercher. Mais c'est arrivé aussi qu'elle soit recrutée par des Amazones et que victime, ou bien encore que victime d'amnésie temporaire, elle développe une nouvelle personnalité de grande criminelle. Vraiment le genre danger public avec un fouet et tout. Enfin, franchement, dans ces histoires, Jasmine c'est une grande badass et ça finit par le rester. Alors, tout ça, ça peut s'expliquer facilement. Je rappelle que c'est devenu depuis une princesse Disney officielle. Donc, c'est un poil embarrassant d'un point de vue exemplarité pour les jeunes spectatrices de la voir comme ça dans le climax. Je me demande vraiment comment ça doit être pour les petites filles d'aujourd'hui. Je veux dire, elles prennent l'habitude de découvrir Jasmine sur du merchandising, des jouets, en face caractère dans les parcs, avec une image de marque qui est impeccable, donc plutôt lisse. Jusqu'au jour où elles sont en âge de comprendre et de visionner le dessin animé. Là, je me demande vraiment comment passe le climax. D'après des commentaires YouTube d'extraits du climax justement que j'ai vu, il y a des gens qui disent ben moi quand j'étais petit, ma mère elle arrivait toujours à ce moment-là, elle appuyait sur accélérer justement. Donc ça m'étonne pas. Alors total, je constate, enfin, sauf c'est les 10 nerds totalement invétérés, il y a une sorte de phénomène d'oubli public. Il y a une chape de plomb un peu embarrassée qui est sur cet épisode qui est peu glorieux. Alors déjà dans le merchandising, il n'y a presque rien qui le rappelle, sauf il y a quelques figurines. Et eu des Barbies vendues avec ce costume. Curieux, bon. Mais ça n'inspire globalement plus que les fans artistes et les cosplayeuses. Mais en revanche, en parlant de costume, il n'y a jamais eu de panoplie au rayon enfant, je crois, et c'est tant mieux. En 1993, déjà, il y avait un Snow Globe qui faisait allusion à la scène. Donc, on voit le serpent, le combat contre lui, autour donc du sablier qui est la partie en vert avec les paillettes, et Jasmine est au fond, mais dans son costume habituel, donc le bleu. Le climax original, ben, j'ai l'impression, il tend aujourd'hui à faire partie de ces idées qui sont regrettées par Disney aujourd'hui, qui essaye de les balayer sous le tapis volant. Je veux dire, quelque part avec le chaudron magique, Mélodie du Sud et... Pardon, quoi ? Pocahontas 2 ? Non, je vois pas de quoi vous parlez là. Pocahontas, il a pas de suite. Oui, je vois pas pourquoi vous dites non, que je suis dans le déni non plus. Voilà. Bon, et alors ? Je veux dire, le film original, il sera pas censuré pour autant, me dira-t-on. Et le remake va pas le supprimer ou l'annuler. Bah, ça, c'est sûr. On ne revient jamais en avant. Non, non, non ! C'est on ne revient jamais en arrière. Mais quand j'ai quand même été soulagé de voir une nouvelle version avec un climax complètement différent. Ça prouve qu'on peut faire sans. Puis je m'y attendais en fait, en ces temps post-MeToo, c'est presque impossible de faire autrement. Puis, même pour Leia, le moment esclave c'est devenu embarrassant aussi. Slave Leia, c'était encore très représenté il y a même 5 ans seulement, dans le merchandising officiel, comme avec les figurines ou les couvertures de comics, c'était même très courant. Mais feu Carrie Fisher en a eu légitimement assez, et même conseillé aux actrices des nouveaux films Star Wars de ne jamais accepter un costume pareil. Elle semble avoir été écoutée jusque-là. Disney, après acquisition de la licence, s'est même décidé à s'abstenir de réutiliser l'image de l'esclave dans son merchandising. Autant être cohérent jusqu'au bout, appliquer même raisonnement à une de leurs propres princesses. Alors j'avais dit que le gogo esclavagisme, ça s'applique d'habitude de cette façon. Une héroïne d'enfance innocente, qui va se retrouver là-dedans par la suite, pour le fanservice du public qui a grandi. Pour Jasmine, ce fut l'inverse, c'est-à-dire son premier film a eu ce moment bonus parental pour elle, mais par la suite c'est devenu un personnage très important pour les petites filles, qui était présenté comme ayant plutôt son esprit indépendant à offrir au monde. Et voilà pourquoi l'abandon de ce moment peu glorieux dans le remake me soulage. Définitivement, c'est ainsi qu'on voit Jasmine maintenant. Et qu'elle-même, mais aussi le monde entier, ne la voit plus comme un objet sexuel, comme disait Andy Gaskill, mais comme quelqu'un qui a quelque chose à dire.